Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 19. Sans transition, je vais vous rappeler quelques menus détails. Tout d'abord, vous pouvez nous contacter à notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie. @mail.ru. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube, Démocratie Participative. Vous recevez donc les alertes des nouvelles émissions. Vous recevrez donc un très court extrait de 5 à 10 minutes qui vous renverra vers l'émission complète. Bien évidemment, la page Facebook de notre émission aussi. Et le site internet Démocratie Participative, là encore en un seul mot, .biz. B-I-Z. Le site est régulièrement mis à jour, quotidiennement, avec des news, commentaires d'actualité, ou même du fond, hein, parfois. Alors, je vais présenter nos intervenants de la semaine, vous les connaissez pour la plupart d'entre vous, je présume. Fred dans l'évier, depuis la Hongrie, qui, sous des tonnes de fonte, bouffant des pâtes à n'en plus pouvoir, a quand même libéré un créneau pour être avec nous. Merci Fred, et première question, comment ça va Fred? Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et oui, effectivement, entre deux poussages de fonte, hein, il faut bien prendre le temps de commenter sur l'actualité de la France, ce pays qui me tient énormément à cœur, comme vous pouvez le constater dans chacune de mes vidéos. C'est vrai que ton patriotisme ne s'est jamais démenti. Derek, comment ça va Derek? Ça va, rien de spécial. Hein. Non ? Tout va bien. Petite baisse de racisme semaine ou pas du tout ? Ah bah non, faut pas déconner quand même. Hein. Non ? T'as pas tenté une cure ? Rien ? Non. Non, d'accord. Bon, on verra, hein, peut-être que tu raviseras. Hein. Je sais pas, on verra bien. Porovitch, salut Porovitch, comment vas-tu Poro ? Shalom alaikum à tous, et puis bah ça va, la banane. La banane. Bon, bah écoute, si tu as la banane, j'ai la pêche. Voilà, ça fera une paire. Astérix qui nous rejoint aussi pour cette émission, comment vas-tu Asté? Eh ben moi au top, Gandalf, j'espère que tu vas bien, j'espère que tes auditeurs vont bien, et qu'on va passer une bonne émission, une fois de plus. Alors si vous entendez des trains quand Astérix parle, je tiens à préciser qu'il est aiguilleur en Pologne. Donc évidemment... Voilà, c'est voilà. L'appel. C'est ça, bah, d'ailleurs voilà. J'en envoie un là, en ce moment même. Disons que vous savez ce que c'est, hein, trouver du travail en France quand on est blanc, c'est de plus en plus difficile. Donc j'ai un ami belge qui m'a pistonné là, un ami dont je ne donnerai pas le nom, mais bon, que certains connaissent. Il m'a aiguillé pour un nouveau boulot et ça se passe très bien, ma foi, c'est mon mois d'essai et les patrons sont très contents là. Il y a du boulot. Il y a du boulot, j'avoue que je pensais pas que ça allait être à ce niveau-là. Moi, je croyais que c'était la planque et non, il y a du boulot. Ah bah, il y a beaucoup de crochus, beaucoup d'huile hein, en France. Hein, il faut... Voilà, il y a du travail à faire. Oh là là. Hopman America, comment vas-tu, Hopman? Eh ben, Gandalf, merci, je vais bien. Hein, voilà. En avant les nègres, parce que nous l'oublions pas. Il faut tuer les blancs, là, dedans. Ouais, il faut tuer les blancs. On le dit trop peu. Et MacDav, salut MacDav. Bonsoir à tous, chers amis, chers démocrates et chers fascistes. Démocrates et fascistes, enfin réunis pour une cause commune, l'apologie du nègre. Hein. Je crois que c'est un peu l'amour projet. L'amour plus fort que la haine. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, On commence avec notre première rubrique, hein, autisme radical, vous la connaissez, chers auditeurs. Sujet numéro 1, un petit peu anecdotique, moi ça m'a fait marrer, donc je me suis dit je vais en parler durant cette émission. Cristiano Ronaldo fait de la pub pour le Ramadan 2017. Hein, c'est un court clip dans lequel le footballeur à succès, hein, qui joue dans le championnat espagnol, a fait valoir un message spirituel. Alors je lis la petite brève, hein. Le footballeur international Cristiano Ronaldo a participé à une campagne de publicité pour le mois de Ramadan 2017. Une pub diffusée sur les télévisions égyptiennes accompagnée de nombreux panneaux publicitaires dans les rues d'Égypte. Hein. Donc c'est centré sur l'Égypte. Alors Astérix, tu es un petit peu le monsieur football, notre professionnel de la sphère footballistique pour l'émission. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire là, cette performance de Cristiano? Bah, en fait, bon, peut-être que peut-être que je réagirai de nouveau après vos interventions, parce que j'ai pas grand-chose à en dire, à vrai dire, parce que bah, lui, il vient du Portugal, si tu veux, ça serait très choquant si c'était un joueur français avec les problèmes qu'on a en France, si c'était un joueur anglais avec les problèmes qu'ils ont en Angleterre, mais lui, il vient d'une petite île, la petite île de Madère, où il n'y a pas un seul musulman, il y en a, mais vraiment pas, hein, il n'y a pas une mosquée, il n'y a pas... Donc je pense que pour lui, déjà, le problème de l'islam, de l'islamisme, c'est très, très... Enfin, c'est inexistant, quoi. Pour lui, il a juste accepté. C'est comme si, je sais pas, on vous proposait un cachet pour un truc dont vous avez jamais entendu parler, on vous propose 1 million d'euros, bon, bah, tu le fais, quoi. Alors c'est vrai que nous, de notre point de vue de français, ça fait grincer des dents, quand même, quoi. Ah bah, je suis pas sûr, parce que les Français, je veux dire, eux, ils ont plein de musulmans, ils adorent les musulmans, à la limite, on m'a même dit dans l'oreille, mais je sais pas si c'est vrai, qu'on construirait même des mosquées en France de plus en plus, vous voyez, je sais pas, il faudrait vérifier. Bah, les Français sont très ouverts, quand même, hein, il faut le rappeler. Hein. Du cul, ouais, du cul, effectivement, très élargi du cul, ouais, très accueillant. Mais Cristiano Ronaldo, je m'étais rien dit, en fait, sur ce gars, parce qu'après tout, mais t'as raison, c'est-à-dire qu'en fait, en même temps, Il vend du déodorant, il vend du parfum, il vend des montres, il vend sa gueule, quoi, c'est... Et pourquoi pas l'islam, je veux dire, du parfum. Non, bah voilà, c'est ça. Alors, pourquoi pas, je veux dire, on est là, hein. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que l'islam, c'est pour... Alors, hein, petite déviation, quoi, ceux qui pensent que, hein, l'islam, hein, grand bouclier contre la société consumériste, bon, qu'ils aillent se faire enculer bien comme il faut, tu vois, je veux dire... Il y a toujours un cher du Qatar pour te payer ce qu'il faut, pour faire la retape qu'il faut. Parce que l'islam, c'est aussi un signe extérieur de réussite dans le monde musulman. Je veux dire, tu vois, tu es en Lamborghini, t'as des grosses putes refaites de A à Z, et par ailleurs, t'expliques partout avec des prospectus que tu fais bien le ramadan. Hein, voilà, c'est un petit peu particulier quand même comme pratique. Bah, surtout que. Bah, c'est toujours le gros problème, c'est le problème central de l'islam. Bon, certains diront que le problème central de l'islam, c'est l'islam, c'est le Coran, le prophète, tout ça. Mais moi, j'irais pas jusque-là, je sais pas. Apparemment, il y aurait eu des époques dorées, tout ça, machin. Bon, moi, je sais qu'en tout cas, il y a un problème aujourd'hui, c'est que les musulmans qui tiennent les lieux saints et qui envoient tout, qui arrosent tous les différents pays de leur argent, pour justement mettre en avant leur islam à eux, bah, c'est les pires matérialistes que la Terre ait jamais porté, quoi. C'est des gros bédouins qui pensent qu'à baiser, qu'à se trimballer en grosse bagnole. Je me demande même si... Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont drogués jusqu'aux yeux, des fois, quand tu vois leur gueule. Et donc, là, maintenant, l'islam, on n'est même plus, faut même plus parler d'une religion, en fait, puisque maintenant, c'est une marque, en fait. Ouais, c'est moi, ça, c'est... Moi, je suis islam, quoi, tu sais, c'est comme les gens, ils portent des chaussures Nike, ou des Reebok et tout, ben moi, c'est islam, quoi. C'est l'islam, voilà. Bon, bah, Cristiano, en tout cas, il a investi, hein, mais c'est quoi son club à Cristiano Ronaldo, rappelez-moi, là, parce que moi, je suis pas ça, hein, donc... Il évolue dans quel club? Real de Madrid. Alors, par contre, à Madrid, il y avait eu un attentat. Donc, bon, déjà, ça aurait peut-être pu lui faire... Bon, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a un gros actionnaire du golf dans le Real ou bien pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Donc, en même temps, ouais, c'est ce que je disais. C'est bon, en gros, les professionnels du football sont quand même des gens qui sont, pour la plupart d'entre eux, oui, c'est ça, c'est des prostituées et qui font des sommes énormes. Enfin, je veux dire, là, c'est des gens qui génèrent des revenus absolument incroyables avec des noms, des brandings, etc. La plupart du temps, ils espèrent pouvoir continuer. Ultérieurement, hein, donc un petit peu comme comment s'appelle ce joueur anglais là, très connu. Quoi, David Beckham. Ouais, David Beckham. Bon, il a continué bien après. D'ailleurs, son nom est toujours connu et il a raccroché depuis un moment. Donc ouais, c'est. Enfin bon, ça m'a fait marrer. Voilà le et j'ose pas imaginer dans les banlieues à Bougnoul de France. De voir le Cristiano Ronaldo en mode avec son putain de son putain de, comment on appelle ça là, le torchon que se foutent les bédouins sur la gueule comme des espèces de mongols. Alors eux au Qatar c'est un nom particulier, c'est la je me rappelle plus, merde, mais c'est pas le kéfier, c'est autre chose. Bah, je sais les chèches là, les trucs comme ça. Oui, ouais. ils ont tous leur petite tradition de chaque coin du désert a sa tradition, et là-bas au Qatar ils ont un nom particulier pour leur. D'ailleurs je trouve que c'est l'habit de tous les musulmans, c'est peut-être l'habit musulman le plus classe, l'habit des Qataris. Là. Bah c'est ça pas bien dur, sinon c'est une espèce de djellaba, hein. Donc ça c'est simple, hein, la tenue vestimentaire islamique. Ouais, sinon il y a le pot yaourt, c'est vrai, ils ont un pot yaourt aussi. Par contre, j'avais un truc à dire pour Cristiano Ronaldo par rapport à ta question. Effectivement, il y a aucun lien entre le Qatar et le Real de Madrid, si ce n'est Zinedine Zidane. Parce que Zinedine Zidane, lui, est un ambassadeur du Qatar depuis très longtemps. C'est grâce en partie à Zinedine Zidane que le Qatar a obtenu la Coupe du Monde en plein été par 50 degrés pour 2022. Tous les médecins, tout le monde, l'intégralité du monde du football dit que c'est une aberration totale, mais le petit sourire de Zidane, il a réussi à. Et les millions des Qataris, évidemment, ils ont réussi à faire le truc, quoi. Donc en 2022, il y aura la Coupe du Monde au Qatar. Et alors peut-être que via Zidane, il y a eu des pistons, et puis il a dit à Ronaldo, écoute, fais la petite pub pour le Ramadan, le Ramadan c'est bien, moi je suis musulman, machin. Parce que le coach de Cristiano Ronaldo, c'est Zinedine Zidane. Donc voilà, c'est peut-être le seul. Mais comment dire, ils vont pas commencer à nous casser les couilles avec des règles bidons, genre on peut pas jouer les matchs comme il faut quand c'est le Ramadan ou des trucs comme ça, tu vois, genre il faudrait attendre la nuit tombée ou des trucs comme ça. Ils vont pas commencer à nous péter les burnes avec ça. Si, alors ils essayent, mais le problème c'est que les pays, déjà les musulmans sont pas très forts au foot, hein. Tu sais que les sémites, de toute façon, le sport c'est pas leur truc, parce que courir, c'est bon, ça a jamais été trop leur truc. Eux, ils regardent les chevaux courir et ils parient, quoi. C'est un peu comme les feux, quoi. Le respect du corps, il suffit de regarder leurs grosses bedaines, leur face lipue, toute grasse, là, pour comprendre qu'ils n'en ont jamais pratiqué un poil, quoi. Donc, ils ont essayé, enfin, si tu veux, il y a eu des problèmes avec le Ramadan et tout ça, mais ce que tout le monde a dit, vu que les musulmans sont pas forts au foot, que les ligues dans les pays musulmans sont très peu puissantes et tout ça, ils ont pas réussi à imposer leur bordel, quoi. Donc, pour l'instant, c'est plutôt les coachs européens qui disent aux mecs qui essayent de faire le Ramadan, écoute, arrête de nous faire chier, parce qu'un jour, tu vas clamser sur le terrain, donc bouffe comme tout le monde et fais-nous pas chier. Et puis ils font appel, tu sais, à un petit savant, un savant musulman qui va leur expliquer qu'il y a une sourate, machin, et qu'ils peuvent manger, ils peuvent rattraper le Ramadan plus tard, tu vois. Enfin bref, pour l'instant, ils s'en sortent comme ça, quoi. Mais il y a des revendications, ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est bon à noter. Bon, pour le passage sur Christophe, c'est anecdotique, mais en même temps, je me suis dit, c'est quand même emblématique, c'est quand même quelqu'un qui occupe beaucoup de surface médiatique dans le sport, et les jeunes regardent énormément le football, quoi. Il n'y a rien à faire, même les jeunes blancs, hein. Les jeunes blancs, ils lisent pas les revues politiques, ils lisent pas même la presse généraliste. S'il y a un truc qu'ils lisent, c'est l'équipe, hein. C'est tout, hein, c'est le seul truc qu'ils ouvrent. Donc quand il y a Cristiano Ronaldo qui est là, qui dit « Ouais, bon Ramadan 2017 », les jeunes, ils se disent « Ouais, ok, c'est normal, ou c'est fashion, ou c'est trendy, pourquoi pas, après tout, etc. » Donc c'est un énorme, une énorme capacité, on va dire, de, d'influence, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était important de, mais de le souligner. Qu'est-ce qu'on attend pour vitrifier ces pays, en fait ? On me pose la question. Qu'est-ce qu'on attend pour atomiser le Qatar et récupérer le gaz ? Bah parce qu'ils ils achètent d'autres prostituées qui sont par ailleurs les chefs d'État, de gouvernement et politiciens qui gouvernent... Ah, les politiques français et les footballeurs. Voilà, mmh. C'est ça, exactement. Voilà. Et probablement les journalistes aussi, hein, parce que ça va avec. Effectivement. Ouais, donc c'est ça qui explique le truc. Alors, sujet numéro 2, chers amis. Suède. La Suède, la suédisme, hein, c'est, ça c'est la après la France ou avant, parce qu'il y a quand même une compétition, ils se tiennent un peu. Une femme de 70 ans risque 4 ans de prison pour avoir dit que des migrants urinaient dans les rues. C'est quand même un peu craignos, hein, de la part de cette femme. Hein. Elle a franchi le truc, je pense. Le Rubicon, comme on dit. Alors, une femme de 70 ans de Dalarna est poursuivie pour incitation à la haine après avoir indiqué sur Facebook que les migrants déféquaient dans la rue et brûlaient les voitures. Selon l'accusation, la femme a exprimé des opinions inacceptables au sujet des migrants sur Facebook. Elle est en effet accusée d'avoir utilisé le réseau social en juillet 2015 pour poster des commentaires diffamants, affirmant que les migrants mettaient le feu aux voitures, urinaient et déféquaient dans les rues. Les juges suédois affirment que les messages de l'accusée violent les lois nationales sur l'incitation à la haine. Un délit puni de 4 ans de prison. L'accusé a admis avoir écrit les messages, mais nié avoir commis un délit quelconque. Alors, évidemment, cette vieille nazie de 70 ans mérite plus que 4 ans de prison. Enfin, moi, je lui mettrais volontiers 25 ans de travaux forcés, mais malheureusement, je trouve que les démocraties se défendent somme toute assez mal. Qui veut réagir là-dessus, sur ces... 4 ans, je crois que c'est, il faut mieux qu'en France quand même. C'est plus qu'en France, ouais. C'est assez rare pour le souligner. Mais t'en fais, non mais attention, la France quand même, justement, parce qu'il y a une compétition entre la Suède et la France, je pense que la France va très vite revenir à niveau, protestant de sa bonne volonté et soulignant à quel point il est insupportable de dire, je ne sais pas, qu'un nègre est nègre, ou pire aussi, parce que... Même de dire africain de l'africain, c'est... Oui, oui. Ou alors même, imaginons, vous dites d'un Algérien qui serait de nationalité algérienne. Imaginez, c'est quand même discriminant. Ah, mais en France... Alors, moi, je connais bien le peuple suédois. En France, je connais un peu les Français aussi. En France, ils auront quand même du mal à arriver à ce point, parce que le suédois, c'est un... Bah pour le Suédois, il respecte l'ordre, en fait. Et le problème, c'est que bah, l'ordre aujourd'hui, c'est le désordre. L'ordre aujourd'hui, il est donné par des enculés qui n'ont plus rien à faire du peuple suédois. Alors, ils vont suivre l'ordre, ils vont obéir, parce qu'ils sont ultra-légalistes. Mais par contre, le jour où ils se rendront compte qu'ils se sont fait enfler, et où le jour où des ordres seront... Enfin, le jour où il y aura des contre-ordres, des contre-indications... la Suède se retournera très vite aussi, parce que chez eux ça rigole pas, la loi est la loi, ce qui doit être fait doit être fait. Donc quand ils sont dans un régime de merde comme en ce moment, bah c'est de l'autisme radical à chaque fait divers. Mais par contre, dès qu'ils reprendront la raison, ça ira mieux. Tandis qu'en France, nous, ça va être plus une longue descente aux enfers larvés, mais ils auront du mal d'un seul coup à nous couper toute liberté d'expression comme ça, parce que le Gaulois, il aime pas, enfin, il a un respect des règles très actif, quoi. Il suffit de le voir avec les appels de phare sur la route, enfin, il y a tout un tas de trucs, quoi. Les Français aiment pas l'ordre, quoi. Ce qui est au départ est plus un défaut. Mais en réalité, vu qu'aujourd'hui l'ordre est de la merde, bah, ce défaut est en train de devenir notre qualité principale. Parce que les Suédois et les Allemands, eux, ils sont dans la merde jusqu'au cou. D'accord. Qui veut réagir là-dessus sur cette mise au pas très soviétique, somme toute, en Suède, mais effectivement qui va tôt ou tard arriver en France aussi, quoi. J'ai une question, moi, la dame là, qui a tenu ses propos absolument choquants. Ignoble. De quelle couleur elle est, quoi ? Elle est blanche. Ah bah oui, donc c'est raciste, voilà. C'est ça. Ah bah oui, évidemment. Non mais en plus, rendez pas compte, elle a dit que des migrants chiaient dans les rues. Enfin, je sais pas si... Enfin, je veux dire... Ah bah, direct au goulag directement. Oui, c'est moi je m'interroge, je veux dire la Suède, ils sont en retard quoi, je veux dire les droits de l'homme, on rigole pas avec les droits de l'homme quand même. Et notamment les droits de chier dans la rue, ça compte. On parle de quel pays? On est en France là ou... Non, en Suède. Ah oui, mais c'est interchangeable pratiquement en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que bon, c'est bon, en Allemagne, on n'est pas loin non plus hein. Ah bah eux c'est bah, la Suède et l'Allemagne. Oui, c'est ça. La Suède et l'Allemagne ont des manières très similaires de se soumettre. La France, c'est un peu différent. C'est vrai. Bon, voilà ce qui vous en coûtera, ville manant, d'observer des nègres chier dans vos rues et de le faire remarquer ensuite sur Facebook. Vous risquez hein, les tribunaux si vous êtes en Suède, mais ça viendra bientôt en France. N'en doutons pas un instant. Je précise donc... que... Ouais, vas-y. Morale de l'histoire, en fait, la prochaine fois que vous voyez un nègre ou même un gitan, hein, parce que moi j'ai déjà vu des gitans chier dans les supermarchés hein, en France, écoutez, proposez-leur du PQ ou à la limite, je sais pas, de un peu d'eau pour se torcher les fesses, en fait. Faites tout ce... Et surtout, n'oubliez pas de faire le paillasson. Hein. Bah, si vous voulez une médaille, torchez-le vous-même. Dans ce cas-là, là vous aurez la prime. Torchez-le et excusez-vous. Et excusez-vous après. Oui, surtout. Hein, colonisation, esclavage, Shoah, tout ça, voilà. Ouais. C'est les Roms ont énormément souffert de la colonisation, il faut pas l'oublier. C'est important. Il faut tuer les Blancs. Voilà, c'est ça. Mais... Vas-y, alors Fulbert nous a rejoint, alors il veut intervenir. Fulbert, salut Fulbert. Qu'est-ce que tu veux dire, Fulbert? Oui, d'abord, désolé pour le retard. Mais outre cela, vous parlez de chiottes nègres. C'est fantastique. C'est un sujet très intéressant. J'espère que ce que je vais raconter, vous ne l'avez déjà pas sorti avant que je n'arrive. Mais aviez-vous vu cette vidéo de ce nègre américain qui ne s'arrête même pas de marcher pour chier? Vous avez vu ça? Ah non. Jamais. Découverte, Fulbert. Ah ben voilà, c'est une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Et cette vidéo ne précise pas quel est l'endroit. Mais en regardant le décor, tout me fait penser qu'il s'agit des États-Unis. On voit c'est les USA, qui est à peu près correctement habillé, qui marche sur le trottoir. C'est en pleine ville, il y a des voitures garées, il y a des gens, etc. Bon. Et le type, à un moment donné, ralentit, et par derrière lui, par devers lui, il passe sa main dans son pantalon, là, hein, au niveau des fesses, et... il s'arrête un petit peu, il hésite, il avance, et puis tout d'un coup, il retire sa main, il jette quelque chose de sombre sur le trottoir, il remet sa main dans son falzar, qui est légèrement baissé, et il fait ça deux, trois fois. En fait, le type chie dans sa main, et il jette la merde sur le trottoir au fil de son promenade. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Encore une veine qu'il ne l'ait pas jetée à la gueule d'un flic, la merde, parce que c'est... Alors c'est bizarre parce que bon, moi ça m'est arrivé aussi aux États-Unis pareil, hein, dans une grande ville. Mais ah vas-y, ouais, comment qu'est-ce qui t'est arrivé aux États-Unis? Ben, premier jour j'arrive dans une grande ville, je me mets dans une rue, un café, etc. C'est une grande rue, une des rues principales de la ville. Et en face de la rue, mec qui marche tranquillou, tu vois, il se fout sur le trottoir et puis debout quoi, il chie debout. Puis, il se barre quoi, tranquille. Ça serait pas San Francisco par hasard? Ah, c'est possible, ouais. Bref, scatologie nègre sans frontières. Voilà, c'est tout à fait. Bon, bah oui, mais enfin bon, ceci étant dit, si vous le voyez, vous le dites pas sur Facebook. Parce que sinon, vous êtes aux portes du fascisme déjà. Faut faire attention, hein, on se laisse facilement embarquer dans ces trucs-là. Hein. Voilà, c'est une spirale sans fin, attention. Sujet numéro 3 de notre section autisme radical, harcèlement en ligne, une BDiste. J'ai découvert ce truc, donc c'est une dessinatrice de Banque Décidée. Hein. Je sais pas. Dise un, hein. Transsexuel, perd ses créations et son logement. Alors accrochez-vous, c'est le Journal de Montréal, ça se passe au Québec. D'ailleurs, un amical salut à nos amis québécois du Canada français, donc. Je vais lire l'article, hein, ça vaut son pesant de cacahuètes. Une BDiste transgenre de Montréal craint pour sa sécurité depuis que ses œuvres et ses pages Facebook ont été piratées, que son adresse personnelle a été rendu public sur des forums haineux. Haineux, la haine. La Montréalaise, Sophie Labelle, était chez une amie le mardi 16 mai lorsque son téléphone s'est mis à vibrer. Mes harceleurs en ligne fanfaronnaient parce qu'ils avaient mis la main sur mon adresse personnelle, raconte celle qui est l'auteur de la BD « Assigné garçon », une œuvre au discours positif, qui tente d'offrir un refuge aux jeunes transsexuels, aux jeunes trans. Ces bandes dessinées trouvent toutefois un écho encore plus grand à l'international dans leur version anglophone « Assigned Male Comics ». L'artiste trans dans la vingtaine a dû faire une véritable mission d'espionnage, afin de retourner chez elle pour la nuit, avant de s'envoler pour Halifax mercredi. C'est de son hôtel qu'elle a partagé son histoire. J'étais censé avoir un lancement de livre à Halifax, mais la librairie a reçu trop de menaces, alors ça a été annulé, soupire-t-elle au bout du fil. Depuis 3 ans, Sophie Labelle doit subir au quotidien un féroce harcèlement en ligne. La situation s'est toutefois grandement dégradée le 17 mai, qui est aussi ironiquement la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. La transphobie, non mais... Depuis mardi, j'ai reçu 20 000 messages haineux. Quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, mais l'espoir est permis, quoi. Tant par Facebook que par mes courriels, relate la BDiste. Mercredi, tout le contenu de mes pages Facebook a été effacé, tout ce que je partage depuis 3 ans gratuitement avec mes lecteurs. Quand j'ai vu... ça, à 2h du matin, mercredi, j'étais au désespoir. Les personnes trans, ça n'existe pas. Vous devriez tous être gazés. Vous devriez tous vous suicider. La majorité du public ignore la violence qui est déversée chaque jour en ligne sur les personnes trans. Ça, c'est ce que dit je sais même pas de quel sexe elle est, pour l'article, s'ils ont présenté ça, je sais pas. Sophie Labelle est également la cible de racistes. Elle est blanche, hein, ou il est blanc, je sais pas. Elle qui met en scène beaucoup de personnages racisés. Ah oui, on est revenu sur l'histoire racisé. Bon, on en a parlé, ça, le truc racisé, ouais. Référez-vous à deux émissions en arrière, je crois, 2 ou 3 émissions en arrière. On en avait parlé de ces escroqueries gauchistes, là. Malgré tout, la BDiste refuse de faire appel à la police. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, enfin, une victime consentante, j'aime ça. Beaucoup de personnes trans ne font pas confiance à la police. Moi-même, par le passé, j'ai voulu aller chercher de l'aide et j'ai été victime de transphobie. Les policiers me désignaient comme un homme habillé en femme et m'appelaient par mon prénom de naissance. Même si j'ai commencé à transitionner à 13 ans, c'était ridicule. Oh, pauvre chérie. Putain, hey, c'est le journal de Montréal, hein. C'est pas une feuille de chou. Ah, attention. Ça me donne presque envie d'aller vivre là-bas. Ah, moi aussi. Ça fait passer les publications... rébellion pour pour l'extrême droite, quoi. Oui, c'est pour des... Oui, effectivement. Sophie Labelle ne se laisse toutefois pas intimider et souhaite continuer de créer sa BD tout en cherchant un nouveau logement. J'ai un discours très positif qui montre que ça peut être bien d'être trans. Donc, hein, c'est très positif. Ça peut être bien d'être trans. Hein. Ça enrage beaucoup de personnes, mais il y a trop de jeunes qui voient ma BD comme un refuge contre les obstacles que leur impose la société pour que j'arrête de la dessiner. Martel-tel. Alors, je m'abstiendrai de tout commentaire et je vais demander à nos participants de nous faire part de leur compassion, premièrement, hein, leur compassion pour cette victime, encore une fois, de la discrimination, des préjugés sexuels, de la part du patriarcat blanc en place, ça on le sait. Voilà, qui veut réagir, qui se sent chaud là, qui a envie d'y aller là? Alors, ouais, je suis allé... Ouais, vas-y pour... Juste un petit mot, cette BD, alors soi-disant c'est un refuge et tout, mes couilles, c'est une putain de production de propagande qui vise à culpabiliser tous les gens qui ont encore, j'ai envie de dire, des opinions normales, quoi. C'est vraiment, c'est moralisateur, vraiment, c'est dégoûtant, quoi. C'est... Bah en fait, ils inversent, ça fonctionne, c'est pareil avec les bougnoules, les nègres, les PD, les musulmans, ils essayent constamment de culpabiliser les autres. Ouais, c'est la règle. Et cette BD, c'est ça. À chaque fois, elle met en scène une petite histoire très courte où, à la fin, elle donne sa petite morale. Ah non, il faut pas dire comme ça. Ah bah non, ça c'est pas bien. Ah, c'est dégueulasse. Alors, vas-y, Derek. Je suis allé du coup voir la page de Jean-Luc, hein, le dessinateur. Et, Jean-Luc dessinateur, bonjour. Voilà, c'est Jean-Luc, hein, appelons Jean-Luc. Et donc, Jean-Luc, tu vois, il a fait des dessins, hein, montrant qu'il était attaqué par les méchants trolls transphobes, ou je sais pas quoi, qui disaient qu'il n'y avait... donc, il lui disait à lui, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de genre non-binaire, enfin, un truc comme ça. Et donc, Jean-Luc lui répondait, oui, mais moi, j'existe. Et l'autre, tu vois, il se mettait, ah, bah, j'ai perdu, que tes arguments sont forts. Tu vois, le truc qui n'a absolument aucun sens, quoi. Et voilà, donc déjà, c'est pour souligner la débilité du truc. Et après, je suis allé voir la gueule de Jean-Luc, quoi. Parce que, putain, tu tapes là, Sophie machin, Sophie Labelle, hein, le voilà. Oh le monstre, quoi. Oh le monstre. Moi j'aimerais bien que. Évidemment. Moi j'aimerais bien que les banques en fait hein, cessent de me considérer comme une personne avec un faible patrimoine parce que je m'identifie à un multimilliardaire russe ayant fait fortune dans le pétrole. Voilà, et je crie à l'injustice et j'en ai marre. Si réellement c'était le droit, enfin que tu sais le droit des plus faibles et tout, putain t'imagines les nabos, tout le monde. Le problème en fait c'est que ce droit aux plus faibles, il s'annule dès que t'es blanc quoi. Non, sauf si t'es trans. Tu peux être blanc et trans et là t'as encore ton accès. Bah, t'as des points. On a déjà dit ça. Il y a une échelle dans la, je veux dire dans cette nouvelle culture de l'échec qui est la norme en Occident, tu as des points, en fait, par rapport à tes tares, en fait. Donc les tares deviennent une valeur. Et donc, effectivement, si tu es un homosexuel, t'as des points. Si t'es un transsexuel, t'as des points. Si t'es un juif, t'as des points. Si t'es un musulman, t'as des points. Si t'es un nègre, t'as des points. Et ensuite, ça peut éventuellement se cumuler. Je pense pas que ça se cumule parce que je crois pas qu'il y ait une promotion qui soit faite tant que ça sur les PD africains ou arabes. Non, mais tu comment dire, disons que tu peux jouer sur deux tableaux en même temps, donc tu peux cumuler les points de cette façon. Tu peux dire je suis un nègre. Les points se gagnent en fonction de ce qui fait le plus de préjudice à l'homme blanc. Quoi. Ah aussi, donc, les PD blancs, les travelos blancs, les arabes, les noirs. Les roms. Les arabes et les noirs qui se tronchent des blanches, les arabes et les noirs tout court, de toute manière. Et voilà. C'est ça, ouais. Les roms, c'est les suipiers, quoi. Là, ouais, mais enfin, disons que pour le système, c'est un thermomètre, le rom. Ça ne loupe jamais. Par exemple, comment dire... Bah, on n'en a plus trop, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, au début du quinquennat Hollande, il y avait Leonardo, il y avait des gitans partout, hein, vraiment. Et là, on ne sait pas où ils sont, il a pu. Ah si, ils sont là, mais simplement, on n'en parle plus. Il y en a beaucoup moins. Ils migrent, tu sais, ça c'est comme les criquets, ça migre. Non mais les roms en fait c'est un thermomètre, ça permet aux autres parasites de mesurer le degré de faiblesse ou de force du peuple victime, ciblé. Donc en fait s'il y a une intolérance au fléau rom, on va voir tout d'un coup les juifs, les PD, tout ça se mobiliser, etc. Parce qu'ils savent très très bien que ça fait système. Hein. Donc voilà. Bon, enfin, c'était une belle histoire d'amour. Quelqu'un veut rajouter quelque chose dessus sur cette discrimination terrible au Canada, au Québec. Le Québec sombre dans le fascisme le plus noir. Qui l'eût cru ? Moi, j'avais cru que c'était pourtant une terre promise pour le socialisme. Et je sais pas ce qu'ils ont, les Québécois, tout d'un coup. Non, moi, je pas grand-chose à rajouter sur cette... événement, je voulais juste dire un truc par rapport à ce que tu as dit en dernier là. En fait, quand tu as des sous-hommes comme ça à un niveau vraiment extrême, comme les Roms par exemple, ou les Somaliens aussi en Suède, ben, en fait, des fois ça permet même aux demi-sous-hommes, tu vois, enfin aux gens qui viennent des pays. Tu vois, genre les nouveaux les immigrés, mais des pays autour, ou alors des pays un peu plus civilisés d'Afrique et tout ça. Enfin bref, ça leur permet de se liguer contre, de prendre conscience que le nationalisme est utile, quoi. C'est comme, il y a des mecs comme ça qui ont compris que, enfin, des bougnoules qui ont compris qu'en fait, c'était important de rester français parce qu'ils avaient un camp de manouches qui arrivait juste à côté de chez eux. Bon, c'est rare, hein, malheureusement, ces bougnoules-là, ils sont très rares, parce que souvent, les manouches et les bougnoules, ils s'entendent comme, tu sais, ils font du business ensemble, ils font de la crapulerie, des petites crapuleries. Enfin bref, passons. Ça se voit que tu les connais pas bien, hein, parce que les Arabes et les Gitans, ils peuvent pas se blairer, et ils se foutent sur la gueule quand même entre eux beaucoup. Alors, il y en a peut-être ponctuellement qui font affaire ensemble, ça c'est autre chose, mais en tant que communauté, ils sont assez... Ils se détestent. Mais comme les bougnoules et les nègres, hein, comme tout le monde, en fait, ils se détestent tous. Hein. C'est juste grâce à l'homme blanc qu'ils arrivent à trouver une forme d'unité, c'est-à-dire tous contre le blanc, quoi. C'est tous unis contre le blanc. Enfin, c'est ce ça. Que vous disiez tout à l'heure. Il faut tuer les blancs. C'est la lutte des parasites. Hein. En biologie, on appelle ça la lutte des niches. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des poux, il y a d'autres bactéries qui sont un peu plus petites. Et puis qui agissent un peu plus indicieusement, c'est la lutte des parasites contre le même corps. Et chacun lutte pour sa survie. C'est ça, exactement. C'est bien résumé, ça. C'est bien, c'est bien. Rubrique numéro 2, chers amis, c'est le sale bougnoule de la semaine. Sale bougnoule de la semaine. Alors, on en a déjà parlé. Derek, je pense à toi très très fort, très très fort. Alors, je commence. C'était dans Nice matin, ça. S'appuyant sur une décision du Conseil d'État, un millionnaire algérien veut organiser une manifestation sur une plage lors du Festival de Cannes 2017. L'homme est rodé au coup d'éclat. Rachid Nekaz, millionnaire algérien, entend organiser une opération tous en burkini sur les plages du Festival de Cannes, vendredi 26 de 14h à 16h. La durée d'un film, s'amuse-t-il. Pourquoi ce rassemblement ? C'est une façon de célébrer la décision du Conseil d'État du 26 août 2016 qui permet à n'importe quelle femme de s'habiller en burkini, affirme-t-il. Cannes avait été la première commune à l'interdire. Sur l'affiche de la manifestation, il a affublé Marine Le Pen et Nadine Morano d'un hijab bleu, blanc, rouge. Celui-ci, précise-t-il, qui sera porté vendredi prochain par la douzaine de femmes qu'il entend rassembler. L'été dernier, Rachid Nekaz s'était fait fort alors que la polémique sur le burkini battait son plein en France et notamment sur la Côte d'Azur, de payer les amendes des femmes qui seraient verbalisées. Il revendique depuis d'avoir payé 1192 amendes pour port de voile intégral en France. Il en fait de même à l'étranger, assure-t-il. Nekaz s'amuse. Cannes, c'est la vitrine mondiale de la France et le temple de l'extravagance, c'est la liberté totale et ça se passe très bien du matin jusqu'à la nuit. Certaines sont en bikini, d'autres en burkini. C'est la France qu'on aime. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc, on a le gros bougnoule algérien qui a fait son flou dans des... probablement de façon pas très catholique, c'est le cas de le dire, qui a décidé effectivement de saloper la vitrine mondiale de la France. Voilà, c'est revendiqué. Et cette espèce de gros fils de pute qui n'a jamais été barré du territoire français, évidemment, hein, puisque la France, maintenant, on peut le dire, c'est vraiment le paillasson de toute la pouillerie islamique de la Terre. Cette espèce de gros fils de pute d'Algérien, pléonasme, a donc décidé de saloper le Festival de Cannes après avoir profané la mémoire des personnes qui s'étaient fait tuer par le djihadiste à Nice. Voilà. Il était venu, cet enculé, là, l'année dernière, juste après les attentats, quand il y avait eu la cérémonie d'hommage. Il était venu avec une mouquère. Une mouquère en voile intégrale. Quoi. Et ok. Bon, c'est vendredi, on va voir. On va peut-être prendre notre après-midi là, pour aller rigoler. Ouais, c'est intéressant ça. Il faut rappeler ça parce que c'est vraiment un mois après la tuerie de Nice, la tuerie de masse. Quoi. Et le mec, il arrive avec sa sale gueule de crouille. Je crois que c'était genre une semaine ou deux semaines après. Quoi. Ah ouais, moi j'ai vu les articles qui en parlaient, c'était environ un mois. Possible. Mais il était là, rigolard, ça l'amusait, il était avec sa mouquère qui était venue, et avec France 3 qui était dans la combine, rappelons-le. Hein, France 3, je sais pas comment on appelle France 3 sur la zone de Nice, France 3 région. France 3 Côte d'Azur, et c'était. En fait, lui, il était en retrait, il avait mené sa créature. C'est ça, et il était derrière, il rigolait. Cette espèce de salope de journaliste de gauche qui était dans la combine, on ne sait pas s'il a touché des billets, peut-être qu'on le saura plus tard. Et puis ensuite, il y a eu toute cette histoire de Burkini, qui était montée en épingle évidemment par les islamistes. Alors on avait retrouvé là-dedans le tandem fatal, le collectif contre l'islamophobie en France, ça c'est la vitrine des frères musulmans, donc organisation terroriste originaire d'Égypte, liée à la famille Ramadan évidemment, dont émane le Hamas palestinien, dont émane le pouvoir turc avec Erdogan et Nada en Tunisie, etc. Et la Ligue des droits de l'homme, qui est officiellement alliée avec les islamistes aussi, il faut le souligner, la Ligue des droits de l'homme qui avait mené des recours pour le port du Burkini, la Ligue des droits de l'homme qui était la même qui avait fait des recours contre les crèches dans les mairies de France. Hein ? Donc il faut bien voir où sont les amis. Et le CCIF, comme la Ligue des droits de l'homme, avait été financé par le juif Soros, hein, voilà, par ailleurs financier de Clinton, d'Obama et du Parti démocrate, c'est magnifique. Alors qui veut réagir sur cette histoire de Nekaz, là, et qui a décidé de faire la promotion du Burkini à Cannes ? Vas-y, Fred dans l'évier, là, vas-y, là, j'ai envie qu'il me parle. Le prestige de Cannes, Brigitte Bardot, tout ça, mais en Burkini, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Cannes, c'est le sud bien pourri, rempli de pognon, c'est une usine à merde, donc... De juifs, hein, faut le dire. Oui, une usine à merde avec beaucoup de juifs, effectivement, des vieux friqués faits de la Côte d'Azur, c'est... Enfin, Cannes, c'est vraiment l'incarnation de ce qui se fait le plus dégueulasse dans le sud de la France, donc, pourquoi pas en Burkini, allons-y, franchement, il pourrait leur tomber des bombes atomiques sur la tronche, des Burkini, ben, allons-y. Il faut rappeler d'où ça vient le Festival de Cannes, hein. Ça a été créé en réaction au Festival, donc à la Mostra de Venise, je crois, Festival italien, c'était un truc antifasciste en gros. Hein. Donc ça vient de là. Donc c'est pas étonnant, quoi, quelque part, on arrive au bout du truc. Faut voir les films qu'il y a eu avec la Palme d'Or. Quoi. On avait c'est eu l'espèce de classe avec des nègres et des négresses absolument horribles, avec un professeur. Enfin, c'est ridicule. On a eu l'autre, là, le film avec Debbouze T'as parlé des Gouinas aussi, moi j'avais un train qui passait, j'ai pas entendu. Bien sûr, la vie d'Adèle, le film sur les Gouinas de 3h30, quoi. C'est le Festival de Cannes, c'est des Gouinas, des nègres qui crient partout, des Arabes qui viennent nous libérer de la barbarie nazie, merci les bougnoules. Et des juifs, évidemment, des juifs. Et oui, les films sur la Shoah, évidemment. Ça c'est. Non mais c'est bon, là c'est, ça fait quelques années quand même que ça s'est, ça s'est focalisé sur. D'ailleurs, le réalisateur du film des Gouines, c'était toujours en arabe. Hein. Ça s'est pas focalisé. Il y a encore chaque année un truc sur la Shoah. C'est juste que, disons que la Shoah, on s'y est habitué et que là, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, on s'est tapé 2-3 métèques prétentieux là, vraiment la quintessence du métèque arrogant là, qui se croit intelligent juste parce qu'il est un peu magouillard. C'est vraiment ignoble ce genre de type, quoi. Ils prennent leur manque de principe pour de l'intelligence, c'est absolument atroce. Et là, je crois que c'est Almodovar, non, le président du festival. Almodovar, oh là là. Ah bah lui, Casos, espagnol, gay, obèse, tout. Alors lui, vraiment, c'est un cumulard. Hein. Lui, dans les années 30, enfin dans les années 40 plutôt, il aurait fallu plusieurs vies, hein, pour. L'Espagne antifasciste post-Franco, c'est quelque chose. Hein, c'est vraiment quelque. C'est comme foyer à Chiasse, c'est pas mal. Hein. Ouais, bon, même sous Franco, excusez-moi. Bon, ah, moi je suis pas, pas un fan de ça... Franco. Mais... Bon, moi, ce que je vois de Franco, c'est qu'on s'est tapé 1 million d'Espagnols rouges. Bah oui, évidemment. Squatter le Suez. Oui, voilà, mais bon. Ouais, c'est vraiment le point. Ouais, non, mais bon, ça, c'est parce que souvent, ça vous, pour le coup, vous vous autorisez à réduire l'Espagne entière à cette bande de rouges dont on s'est coltiné en France. Mais ouais. L'Espagne, c'est les maîtres de la cavalerie, les maîtres de la tauromachie. Les castagnettes aussi, les castagnettes. C'est la paella. Les flamenco, les castagnettes. Heureusement qu'on a des Européens quand même qui savent un peu. Qui savent un peu danser. Attends, en attendant. Ça, sinon, les nègres auraient une tosse. On n'en parle pas souvent, mais c'est aussi la maçonnerie et les plâtriers, quoi. Non, ça, c'est le Portugal. C'est pareil, c'est la même chose, je ne sais pas la différence. Ah non, c'est pas pareil. C'est l'élite, les gars. La péninsule ibérique, un jour, vous la réhabiliterez, le jour où vous comprendrez, quoi. Mais c'est un déclic, c'est une prise de conscience. Non, mais attends, pour l'instant, on a Podemos, on a des gros crasseux qui veulent déterrer le corps de Franco, alors que franchement, Franco, voilà, c'était pas le fascisme en marche, loin s'en faut, et ils nous ont exporté tous leurs gauchistes dégueulasses, là, Toulouse est un quartier général de l'antifascisme mondial. Mais le sud-ouest. Ah oui, non. Mais regarde, par exemple... Gandalf, tu es là ici, on le sait tous. Les Français aujourd'hui sont considérés, parce que quand tu vois ce qui est envoyé en Hollande, en Espagne, en Thaïlande, de partout, les Français sont considérés comme les pires des sous-hommes sur la planète Terre aujourd'hui. Or, la France produit encore des hommes qui sont intéressants. C'est ça que je veux te dire, c'est que le pays éternel existe et l'Espagne éternelle, c'est pas le pays que vous vous imaginez. C'est pas des joueurs de guitare. L'Espagne éternelle, ça existe et le Portugal éternel aussi. Mais là, aujourd'hui, on est en train de se coltiner une caricature inventée par un cerveau malade du Moyen-Orient. Tu vois, c'est la péninsule maranisée. Là, c'est la péninsule maranique. Ouais. C'est bon. Les mecs qui se lèvent à 10h et qui bouffent à 15h. c'est très caricatural. Quoi. Enfin bon, on va pas s'éterniser sur le cas espagnol. Bon, Cannes, en tout cas, mirobolant Cannes, hein, avec ses millionnaires algériens, ses Burkini, ses réalisateurs hein, progressistes. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils présentent comme film à Cannes cette année. Je m'en fous un peu cordialement, mais je m'attends à une daube. Je m'attends à une daube. C'est-à-dire que le cinéma français maintenant. Non, mais il n'y a pas que ça. Parce que malheureusement, il y a. C'est international. Hein. C'est international. Et le pire, c'est ça. C'est que c'est... Oui, mais vu par les Français. Juif, hein. Non, mais tu parles. C'est pas vu par les Français. Filtré par la France. Les membres du jury, c'est tous des mecs d'Hollywood. Hein, Hollywood. Ah bah bien sûr. C'est Hollywood. Il y a peut-être un ou deux Français dedans. Non, c'est les mêmes qui ont fait les cacas nerveux quand Trump a été élu. Hein. C'est pareil. C'est ça. Ah, c'est cette clique de malfaisants. Okay. C'est ça. Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous promouvoir encore comme film extraordinaire. Je me disais peut-être que l'État islamique avait des plans, faire quelque chose, un petit happening, mais bon. C'était prévu, et c'est Rachid Nekaz en fait le happening. Hein. C'est... Ouais. Bon. Ouais. Ils ont fait le choc l'année dernière, et puis là ils reviennent, tu vois. Tibra. Ils ont fait le vaccin l'année dernière, là c'est la piqûre de rappel. C'est ça. Sur ces bonnes paroles, on passe à la rubrique numéro 4. Et ça, c'est le droit tard de la semaine. On va quand même être sur une note positive. Et alors là, la presse de gauche s'émeut, et je vais vous le faire écouter aussi, d'ailleurs, le gars, on va commencer, d'abord je vais vous résumer les faits, ensuite je vais vous faire écouter ce brave garçon qui a décidé de protester. Alors c'est chez les crétins des Alpes. Derek, toi tu vas être familier de ça. Alors je cite, c'est paru sur le site dici.fr. La situation s'aggrave pour les demandeurs d'asile dans les Hautes-Alpes menacés de renvoi. Pour protéger les migrants du risque de transfert en application du règlement de Dublin 3, plusieurs mobilisations ont été menées par les divers collectifs de la région. Ce samedi, ce sont les bords des routes entre Guillestre et Aiglier qui ont servi de terrain d'expression. Plusieurs panneaux en carton et autres banderoles en film plastique ont été exposés aux automobilistes. Ils exigent le droit d'asile pour les migrants et s'adressent directement au préfet demandant, je cite, « un peu d'humanité ». Sur place, ces messages de soutien n'ont pas attendri un automobiliste, ancien militant du Front National, qui a arrêté sa voiture pour retirer et jeter ses panneaux. On l'écoute tout de suite, il s'exprime devant un média, et ensuite on en reparle. La France, c'est un pays, la France, l'Europe, parce que tout en étant membre du Front National ou tout au moins ancien membre, je parle Europe. Je parle Europe. L'Europe est un pays très riche par un patrimoine fait par des générations de travailleurs. Des gens qui sont venus d'ailleurs, pas que des Européens. Mais maintenant, c'est un pays riche. Et dans ces pays où les gens, ils sont respectables, puisqu'ils sont nés, ils sont respectables en tant qu'humains, mais j'estime qu'on ne parle pas de la démographie galopante, ni du planning dans ces pays-là, préservatif, pilule. Et dans cette démographie galopante, j'en reviens, je m'écarte un peu, qu'ils viennent piller, c'est instinctif, comme un vol de sauterelle, l'endroit où il y a de la richesse. Parce que, d'abord, premièrement, s'ils sont réfugiés, c'est que le matin, ils devraient se lever, retrousser les manches et travailler. Parce que de tout temps, chaque fois qu'il y a des personnes, des opposants politiques, c'est souvent, vous voyez, en tant que paysan, des gros feignants, qui sont là toujours à critiquer, à faire, mais qui ne veulent pas travailler. Alors, Derrick. Oui. Les crétins des Alpes. Ah ben, je t'en avais parlé. Hein. C'est un petit peu plus au sud, mais c'est où, à Guillestre et Guillet, je vois pas trop. Hein. Donc, c'est dans les Hautes-Alpes. Ils disent les Hautes-Alpes. Hein. C'est un peu plus haut. Mais c'est pareil, quoi. C'est l'effet Mandarome, tu sais. Ça diffuse tout le caca depuis leur colline. Il n'y a que là que tu peux trouver des hippies nourris par les subventions en tout genre, parce que les mecs, donc déjà, ils ont le RSA, ils font des associations, et puis ils arrivent à avoir des subventions avec ça. Donc et là-haut, t'as pas de dépenses, quoi. Tu plantes 2-3 trucs, ça pousse. Bon, eux, ils plantent beaucoup de cam, hein, il faut le dire. Donc, ils revendent un petit peu aux collégiens, aux lycéens aussi. On le dit pas trop, ça non plus. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc, avec ça, ils arrivent à vivre, quoi. Donc, en me foutant rien. Donc, ouais, ils arrivent à vivre et à foutre la vie des autres en l'air. Et à chier le monde, oui. Oui, voilà. À chier le monde, à bloquer les routes, bon... Moi, je pense qu'à ce moment-là, si je passais en voiture, j'aurais à ce moment-là précis un infarctus qui fait que j'en écraserais 3 ou 4. Et bon, ça c'est parce que je suis méchant peut-être. Bah, c'est là qu'on peut se... Enfin, moi c'est là que j'ai une pensée attendrie pour la division d'Das Reich, parce que je peux comprendre certains comportements dans certaines situations, on va dire. Bon... Ben, disons qu'en essayant de recontextualiser, en peut-être... Là, j'envoie un train, moi, tiens, hop. Ça nous en fera 100 de moins, tiens. Ah non, mais écoute, et moi, on voit dans la vidéo, alors ceux qui nous écoutent peuvent pas la voir, mais il y a les grandes banderoles, hein, c'est vraiment solidarité avec les migrants, et là, grève de la faim, tu sais, grève de la faim, tu sais, oh putain. Et c'est dans quel secteur que se trouve cette espèce d'empaffé de rouge, barbu, héros? Par ailleurs, passeur à 16 heures qui touche des billets en faisant ça. Ah, Héroux, c'est la vallée de la Roya, c'est frontalier avec l'Italie. C'est en gros, d'ailleurs, pour y accéder, tu passes par l'Italie. Quoi. Tu passes pas par la France quand tu viens de Nice. Tu vas à Ventimiglia et tu montes vers la montagne. C'est là. Donc c'est là qu'ils sont calés, c'est en forêt. Alors minute culture quand même, les crétins que vous vous coltinez là-bas dans le sud de la France et dans le sud de l'Italie, enfin non, dans le nord de l'Italie pour le coup, mais bon, c'est compris, ce sont que des demi-crétins. Parce qu'en réalité, le crétinisme, c'est quelque chose de sérieux, ça vient du manque d'iode, Et bon, bah là-bas, c'est plus près de la mer, il y a quand même plus d'iode. Dès qu'il y a un petit vent qui remonte de la mer, ça va, ils reprennent de. Ils culminent à 80 puits, quoi. Il faut savoir que ce qui se trouve dans les... en Haute-Savoie, ça n'a rien à voir. Là, on est en train de parler de vrais cassos, encore largement plus cons que le pire des ch'tis, le pire des sudistes sous Pastaga. Enfin, là, vraiment, le... là, ça. Le Savoisien, quoi. The Savoisien. Et alors, les Hautes-Alpes? Qu'est-ce que c'est un clin d'œil, là, le Savoisien. Non, non, non. J'oserais pas, j'oserais pas. Et alors, les Hautes-Alpes, qu'est-ce que ça... Il y a un nid, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un kyste, qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es pas familier, Astérix? Ah non, non, non, Hautes-Alpes, c'est le coin de... Enfin, c'est... Non, moi, je sais pas de qui c'est le coin, mais je sais que moi, je suis familier du nord des Alpes, moi. Voilà, là où il y a les vrais crétins, les crétins pure souche qui n'ont jamais vu d'iode de leur vie, quoi. Ça a beau s'appeler Hautes-Alpes, c'est pas dans la région Rhône-Alpes, c'est encore... c'est juste au-dessus... t'as les Alpes maritimes, les Alpes de Haute-Provence, et au-dessus, tu as les Hautes-Alpes, mais c'est en dessous de la région Rhône-Alpes, quoi. Donc, ils sont nichés dans leurs montagnes, et donc, ils font chier le populo à faire passer des nègres. Voilà, oui, bah, ils ont que ça à faire. Je sais pas, à mon avis, ça a dû se faire dans les années 70, quand t'as eu tous ces hippies, là, tu sais, la génération Vercors, quoi. Et t'en as un paquet. Oh non, le Vercors, non. Bah oui, non, mais c'est ça. Oh ça, là là là. Oui, donc en fait, ça fait longtemps que cette région est pourrie. C'est pourri depuis longtemps, en fait. Ah oui, ça fait un petit moment, donc t'as des hippies qui sont allés là-bas, et puis ça a périclité, quoi. Oui, oui, oui, bon, pas tellement bien, hein. Je veux dire, visiblement, ils ont l'air toujours actifs, hein. Ah, le Vercors, ouais. De toute façon, ça m'a toujours... Quand j'entendais le nom, à l'école, il paraît de ça... Alors oui, la résistance, le Vercors... Alors, je sais pas, j'entendais le mot Vercors, tout de suite, j'avais je me sentais pas bien, tu vois. Et puis, bah, je suis confirmé, en fait. Je suis confirmé dans mes pressentiments, hein. Voilà. Bon, bah, chers amis, sur ces... Alors, bah, le droit tard, je tiens à le saluer, quand même, parce que c'est bien d'arrêter de foutre en l'air ces putains de panneaux de gauchistes... Parce que, vous voyez, on parlait de culpabilisation dans un autre registre. C'est ça, en fait, qu'ils font aussi avec leurs panneaux. C'est « Ah, tu te sens pas coupable de laisser des gens dans la souffrance ?» Et là, il faut avoir un cœur de fasciste. Non, je n'ai aucune espèce de raison de me sentir coupable, parce que je pense d'abord aux miens avant de penser à vos nègres. Et je serais même criminel de penser à vos nègres. En revanche, je pense à votre cas. Et je pense qu'il faudrait s'occuper de leur cas, effectivement, à mon avis. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette petite anecdote? Je salue, hein, je salue le droitard de la semaine. À réitérer. Salut tous. À réitérer, hein, si vous voyez des gauchistes pro-migrants, l'imagination au pouvoir, hein, on peut. Voilà. Si vous voyez des trucs comme ça, allez-y gaiement, il y a des trucs à faire. Hein, innover. Soyez créatifs. Hein. Sans violence, bien sûr. Ah oui, voilà. La paix du Christ. Mettez-les dans des traits en direction de la Pologne. Voilà. On se fait une pause musicale et ensuite on se retrouve avec les thèmes de la semaine. À tout de suite. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons consacrer l'essentiel de notre discussion à cette histoire assez rocambolesque du côté du quartier de la Chapelle, hein, avec des féministes, etc. C'est assez intéressant. On va y revenir dans le détail. Mais avant ça, je me suis dit ça valait le coup de parler de cette interlude législatif avec des élections. Pour désigner les députés français, il n'y a pas tellement de suspense à mon avis. On a quand même clairement un Macron qui devrait avoir beaucoup de députés. Bon, le Parti Socialiste était dans les choux, ça c'est pas mal. Le Parti Communiste qui lutte en fait pour avoir encore un seul représentant à la Chambre. Alors on croise des doigts, on verra bien. Mais on croise des doigts pour que la vermine rouge soit définitivement chassée du Parlement. Ce serait la première depuis quand ? Depuis l'avant-guerre, hein, je crois. Hein. Je veux dire, il y en aura moins un ou deux. Hein. À part l'occupation, quoi. Hein. Ce serait bien. C'est une anecdote, en fait, en quelque sorte, mais vous allez voir où je veux vous mener. Ça se passe, en fait, à Hénin-Beaumont. Alors, à Hénin-Beaumont, il y a Marine Lipoun, hein, grande, Jeanne d'Arc, hein, Jeanne d'Arc, je crois que tout le monde convient, c'est Jeanne d'Arc, qui se présente pour la députation. Elle a longtemps hésité, hein, après avoir fait sa performance du deuxième tour, elle a hésité, finalement elle se présente, et donc, elle espère remporter la députation dans cette circonscription. Et il y avait une concurrence. C'est-à-dire que le Parti de la France et les comités Jeanne, donc Jeanne d'Arc, inspirés par Jean-Marie Le Pen, avaient formé une coalition en vue des législatives pour proposer, dans de nombreuses circonscriptions, une candidature nationaliste se distinguant clairement du Front National et même de facto s'opposant au Front National. En motivant leur décision par le fait que le Front National mariniste ne représente plus le nationalisme français, ni même les intérêts de la France en réalité, et ayant été victime de la dégénérescence mariniste, il fallait une alternative. Alors jusque-là, d'accord, la présentation, je crois, des candidatures a été faite la semaine dernière, en tout cas, de l'initiative, disons, législative, mais ensuite, évidemment, il y a des présentations de détails dans les différentes circonscriptions, mais, entre-temps, on a découvert, cette semaine, que Jean-Marie Le Pen avait retiré la candidature d'une personne se présentant au nom de cette coalition contre le Front National à Hénin-Beaumont. Je cite un article cité par Europe 1. À la demande personnelle de Jean-Marie Le Pen et dans le cadre du respect du partenariat politique entre le Parti de la France et les communautés Jeanne, présidé par Jean-Marie Le Pen, pour ces élections législatives, le Parti de la France annonce qu'il retire sa candidature dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, a annoncé Karl Lang, président du Parti de la France, dans un communiqué transmis à l'AFP. Jean-Marie Le Pen, qui s'est donc allié à Karl Lang et à Alain Escada, compte sur 150 à 200 candidats. Marine Le Pen, défaite au second tour de la présidentielle, vient juste d'annoncer sur TF1 ce jeudi qu'elle se présentait aux législatives. Elle laissait planer le doute depuis le 7 mai, mais s'est finalement décidée pour reprendre son rôle de chef de file frontiste, mais également d'opposition au président élu Emmanuel Macron. Donc, elle se présente à Hénin-Beaumont. Et Jean-Marie Le Pen a fait pression pour qu'elle n'ait pas d'opposition. Alors je demande l'avis de nos participants sur manœuvre électorale. Je vais commencer avec Derrick et ensuite je donnerai la parole aux uns et aux autres parce que ça me paraît un petit peu important. Oui, l'opération Sauvons Dalida est en marche, donc ouais. Papy Le Pen, bien que qu'il y a en renier Fifi, voilà, hein, quand il s'agit d'y filer un coup de main, il est toujours là. Hein. Bah, c'est-à-dire, moi, je comprends pas bien la philosophie de... Parce que, bon, toute la philosophie de ces listes, enfin de... bon, on va pas revenir sur le jeu électoral, mais bon, le Parti de la France, Karl Lang, exclu même du Front National par Jean-Marie Le Pen, fondant le Parti de la France précisément pour ces raisons-là, entraînant à sa suite des nationalistes, se rabiboche avec Jean-Marie Le Pen. J'avais été surpris. Oui, à la limite, pourquoi pas. C'est-à-dire, bon, au final, ouais, voilà, mais... par la clique à Philippot et compagnie, et bon, si c'est pour au final faire des cadeaux à Marine Le Pen, on va pas trop. On voit pas l'utilité. C'est-à-dire, pourquoi présenter des listes contre le Front National dans les circonscriptions où sont présentes le Front National, si c'est pour faire un cadeau à Marine Le Pen, qui est la personne qui les déteste le plus, et dont l'ascension a signifié leur propre déchéance politique, oui, leur propre exclusion. Leur exclusion d'un côté, et surtout, est-ce qu'on a intérêt à laisser Marine Le Pen être tête de file de la droite nationale en France encore pendant 5 ans, minimum. Ils ont dû mesurer... Alors si je peux intervenir deux secondes, ils ont dû mesurer ça, à mon avis, plus qu'on ne le croit. Et ils ont dû se dire que face à Marine Le Pen, il ne dépasserait jamais, il ne ferait jamais un gros score. Surtout sur son terrain là-bas, des Nimbomont, enfin les moyens qu'elle a avec elle et tout, le Parti de France ne peut pas concurrencer ça. Et ils se sont dit... qu'ils ne voulaient pas être responsables non plus face aux Français, parce que leurs électeurs, leur électorat potentiel est l'électorat de Marine Le Pen. Donc ils ne veulent pas non plus se mettre en porte-à-faux avec excluant Marine Le Pen du jeu en lui volant 3-4%. C'est faux complètement, puisqu'ils ont présenté, ils disent, entre 150 et 200 circonscriptions, des candidats contre le Front National. Donc l'opposition au Front National est claire, qui présente entre 150 et 200 candidats contre le Front National. Donc c'est contre le Front National, c'est une question de politique. Donc il y a une ligne politique, la ligne politique de cette coalition est claire, c'est nous refusons le Front National, nous estimons qu'il ne représente pas ce qu'il devrait représenter. Bon, soit. Et face à la chef, il s'efface. Pourquoi ? Parce que Papy décide de protéger Fifi en attendant de protéger la petite fille. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette boutique, je veux dire ? Qu'est-ce que c'est que cette boutique ? Bah là, nous avons déçu, c'est la réaction du Parti du Parti de la France. Parce que tu te fais virer du FN, parce que X raison. Tu montes ta propre boutique, d'accord ? Tu te prétends plus radical que le FN, et tu te dis meilleur candidat pour la France que le FN, qu'est-ce que tu vas ensuite faire une alliance à la mort molle boue avec eux ? Tu t'es fait cracher dessus, tu t'es fait insulter, traîner dans la boue, et après quand les mecs ils te disent vas-y, y a moyen, tu dis ok, non c'est pas possible. Donc à un moment il faut que les nationalistes soient droits dans leurs bottes, il faut qu'on soit carré avec nous-mêmes. Si on s'oppose au FN, là, le PNF, mais après nous aussi, c'est pas pour après aller leur manger dans la main, quoi. Le FN, on a déjà dit dans l'émission précédente et même dans d'autres, le FN, et le FN plus que le FN, la famille Le Pen, est un des obstacles à une un pseudo-sauvetage de ce qui reste en France. Et c'est bien ça, quoi. Ça, c'est très hypothétique, hein. C'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais... Bah oui, enfin bon, quoi, confirmé par 40 ans d'expérience, quand même. Non, parce que la France est le pays où les idées nationalistes ont été le plus haut. Il n'y a aucun pays en Europe, ni l'Allemagne, enfin je parle des grands pays qui ont subi l'immigration, il n'y a aucun pays... où les idées nationalistes soient aussi pesantes. Non, c'est pas vrai, parce que... On n'est pas certain que ce soit les idées nationalistes, en plus, hein, parce que, bon, vu qu'on n'a pas parlé d'immigration pendant la campagne présidentielle, c'est pas... on n'a pas parlé d'immigration, mais l'Italie est devenue un pays d'immigration à partir des années... fin des années 80, début des années 2000. Idem pour l'Angleterre. Je veux dire, de quoi parle-t-on ? Ils ont que dalle. Non mais de quoi parle-t-on? Je veux dire, la France a commencé son immigration de peuple blanc à partir des années 70. D'accord, mais c'est le nombre qui compte. T'as vu l'Angleterre? Tu connais la situation de l'Angleterre? C'est pire que la France encore au niveau. Non, arrête de dire des bêtises, Asté. C'est pas pire que la France du tout. C'est pas vrai. C'est pas bon. Bah, la charia est appliquée en plein milieu de Londres. Oui, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, la France n'applique pas la charia, elle est complètement envahie. Bon, et en fait, tu te rends compte qu'elle est appliquée au quotidien quand même, tu vois. C'est-à-dire que, oui, le gouvernement n'a pas dit « Oui, nous reconnaissons les tribunaux islamiques, machin, pour les affaires matrimoniales. » Formidable. Bon, au quotidien, tu te rends compte, en fait, tu peux pas divorcer si t'es une mouquère, tu peux pas divorcer avec ton mari si t'as pas reçu, tu vois, l'aval du putain de barbu de ta mosquée, tu vois. Bon voilà, on peut se cacher derrière son petit doigt comme ça pendant très très longtemps, tu vois, c'est pas le sujet. La France a lancé sa politique d'immigration de masse à partir de la fin des années 60. Et 45 ans après, bah oui, tu peux faire une corrélation entre l'augmentation de l'immigration et l'augmentation du vote nationaliste, évidemment. Et on le voit aussi dans d'autres pays, il n'y a pas que la France maintenant, parce que, en fait, les autres nations ont rattrapé leur retard et ont accru considérablement leur immigration. On n'a qu'à regarder, l'Allemagne. L'Allemagne, alors je ne sais pas quel score fera l'AFD, hein, l'alternative pour l'Allemagne, mais l'Allemagne, qui était considérée comme, je veux dire, complètement immune au virus dangereux du fascisme et du racisme depuis 1945, bon, on se rend compte qu'ils ont fait venir pratiquement 2 millions de bougnoules d'Irak, de Syrie, de tous les bleds à la con, du Soudan, de Somalie, etc. Ils ont eu des attentats, bon, bah, c'est marrant, ils ont un parti nationaliste qui fait 10-15% dans les sondages, c'est selon. Bah oui, évidemment. Bon, d'accord. D'accord, ça je peux l'entendre, c'est vrai, la France a subi l'immigration plus tôt, d'accord. Maintenant, une autre question, est-ce que les gros requins, les Attali, BHL, compagnie, est-ce qu'ils font tout pour nuire au FN par pur théâtre, enfin, est-ce qu'on est dans du pur théâtre, dans du jeu subtil, ou est-ce que ils détestent le FN parce que ces idées leur font peur? Mais non, mais le problème n'est pas le Front National ou l'électorat du Front National, c'est que nous avons, on ne va pas refaire le match de la dernière émission, il y a une famille qui a établi un business sur une niche. Et c'est dynastique. Point à la ligne. Elle a été élue, Marine Le Pen. Oui ou non, mais d'accord, mais très bien, mais je veux dire, Macron a été élu aussi, hein. Je veux dire, les gens sont cons, c'est pas nouveau, hein. Voilà, donc bon, on peut pas parler de dynastie, c'est les gens qui sont cons, on aurait pu avoir Gollnisch. Non, c'est une dynastie, c'est père en fils, faut pas se cacher derrière son petit doigt, encore une fois, moi je veux bien qu'on dise c'est pas une dynastie, mais à ce moment-là, viens pas me dire, si tu veux, qu'on n'a pas Jean-Marie Le Pen, on n'a pas Marine Le Pen et on n'a pas Marion Maréchal Le Pen. Non, mais ça ressemble quand même un peu à une dynastie. Il ne serait passé par aucune élection. Marine Le Pen, on lui a filé 80% de nos votes. Mais je veux dire, on n'est pas des démocrates. Mais attends, on n'est pas des démocrates, c'est bon. Je veux dire, tout le monde sait très bien que les gens sont gogoles et votent pour qu'on leur dise de voter. Bon, c'est bon. Je veux dire, le fils à Johnny Hallyday, il fait de la musique. Bon, c'est un génie. Non, c'est une quiche. Bon, il fait de la musique quand même. Bon, bah voilà, bah c'est comme tous les fils d'acteurs, les machins, etc., si tu veux. Bon, bah t'as les fils de politiciens, ils font la même chose, tu vois. Papa a réussi, donc moi je réussis, pourquoi? Bah parce qu'il se passe rien, précisément. Il n'y a pas de grand bouleversement, on n'est pas obligé d'être bon, on n'est pas obligé d'être extrêmement fort, etc., on peut squatter sur un canon. C'est pas comme s'ils étaient mauvais quand même, parce qu'on a de quoi comparer aux autres. Quand ils sont face aux médias, quand ils sont face aux gros salopards de la télé française... on voit très bien qui est performant, qui ne l'est pas. Par exemple, la jeune Marion Maréchal Le Pen, qui a 27 ans, on voit très bien que elle est supérieurement intelligente, quoi. Enfin, ceux qui ne le voient pas, ceux qui ne connaissent pas de gamin. Non, mais écoute. Elle est normalement intelligente. Elle n'est pas supérieurement intelligente. Elle est arrivée... Moi, je n'ai rien contre elle. Elle est arrivée députée parce que, évidemment, c'est la petite-fille de son grand-père. Mais elle n'est pas supérieurement intelligente, faut arrêter de déconner. Non mais en tout cas, alors d'accord, je vais même pas parler juste de l'intelligence, c'est-à-dire elle est tout simplement, elle est établie, c'est une femme qui est supérieure sur le plan de l'être. Parce que regarde, elle a affaire à des requins qui ont 50 années d'expérience, ils ont 70 balais, ça fait 50 années qu'ils bouffent de la chair humaine. Par hectolitre, par kilogramme. Mais c'est une femme divorcée de 27 ans. C'est une maman qui est déjà divorcée. Divorcé. Faut arrêter de la voir comme Jeanne d'Arc, putain, faut arrêter de déconner. Alors, elle peut-être un peu sympathique, elle a de la discussion, elle sait prononcer trois phrases correctement. Mais de garder son sang-froid, c'est de ça, moi, dont je te parle. Là, on est en train de parler de la puissance, de sa puissance intérieure, quoi. Mais arrête, elle va faire quoi? Elle va grenouiller dans un cabinet de publicité, hein. Elle pourra peut-être devenir avocate, parce que vu qu'elle a été parlementaire pendant 5 ans, elle a même pas besoin de passer le barreau, puis elle va revenir. Puis elle reviendra fraîche, dispo, avec un peu de recul. Elle aura un petit peu élargi ses réseaux, puis basta. Et puis la dynastie Le Pen pourra continuer. Donc moi, je dis Jean Mouloud Le Pen 2037. Salut. Ouais, j'allais dire en fait, parce qu'on est quand même en train de parler de la petite fille Le Pen, hein, qui, étant une Le Pen, ayant grandi dans ce milieu-là, avait ramené en 2009 ou 2007, je ne sais plus, à une soirée, hein, Hakim, militant PS, proche des milieux écolo ou je sais pas quoi, qui trouvait que la Gay Pride c'était vachement sympa, qui, se disant grande catholique et quand même mère divorcée au bout de quelques mois ou un an et demi, avec un Kevin avec une tronche pas possible, machin, et qui, là, va aller rejoindre son père, qui est maqué avec une négresse en Côte d'Ivoire. Était, d'accord. Ok, mais je veux dire, à un moment, si tu veux... Moi, j'en veux pas au pauvre blanc de base qui s'est pris 40 ans de propagande dans la gueule et qui s'est retrouvé à un moment maqué avec une meuf qui n'était pas blanche et qui après a vu la lumière. Ok, ça arrive. Ok, mais quand tu parles de la puissance intérieure phénoménale, spatio-temporelle, translumineuse de Marion Maréchal Le Pen, à un moment, faut arrêter. Si elle était si géniale que ça, sachant en plus le milieu dans lequel elle a grandi et qui elle est, jamais elle aurait dû se comporter comme ça, de A à Z. Donc en fait, il y a un moment, il faut juste arrêter d'être des fanboys, des fans d'eux, et voir la réalité en face. Si Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen étaient capables de sauver la France, la planète et l'univers, je serais le premier à les suivre. Parce que je m'en branle des conflits d'intérêts. C'est pas une question de d'ego, je veux dire, je suis pas atteint dans mon ego, dans mon être, parce qu'elles le font. Non, moi, la chose dans laquelle je suis atteint, c'est de voir que les Français, les patriotes et nationalistes, encensent et suivent des putains de connasses qui sont issus d'une dynastie qui, depuis 40 ans, gesticule en France pour faire quoi ? Pour faire rien du tout. Ils avaient une putain d'autoroute ouverte là pour gagner, pour faire au moins un score vraiment magistral, et on se retrouve avec une Marine Le Pen qui fait quoi ? Qui suit les conseils d'un psychiatre, on ne sait pas sorti d'où, et qui fait n'importe quoi au débat, quoi. Sortie, et toi, tu nous dis... Ouais, voilà, ouais. La problématique Marion Maréchal, c'est la problématique Marine Le Pen il y a 5 ans. Exactement. C'est la même chose. On s'est dit, ouais, mais voilà, mais vous allez voir, elle a des idées neuves, elle est jeune, etc., etc. Elle présente bien, elle a des bonnes idées, elle a un bon programme, anti-mondialiste et compagnie, etc., etc. Et au final, voilà, c'est quand tu sors de la dynastie, tu vois, ben, ça Voilà, ben moi, je vais vous dire sur Marine Le Pen. C'est une lignée maudite. Voilà, c'est une lignée maudite. Moi, je suis à peu près d'accord avec Derek. C'est-à-dire, pour moi, c'est une lignée maudite. C'est-à-dire qu'elle a fait la preuve. Bon, effectivement, la qualité des femmes de la famille, ce problème n'a pas commencé avec Marine Le Pen la question de Marion Maréchal, parce que bon, encore à la question, mais voilà, c'est-à-dire effectivement, les femmes de Marie. De Jean-Marie Le Pen, le père de Marion Maréchal, etc., qui a un strabisme. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose. Moi, je suis d'accord avec le terme malédiction. Hein, c'est-à-dire que pour moi, ça pourrait faire, en exagérant, en forçant un peu le trait, le sujet d'une sorte de film d'horreur bizarre. Enfin, il faut tirer la chasse, il faut mettre ça au four et c'est fini. Hein. C'est une bonne vieille tradition française, hein, de tirer la chasse. C'est la tradition française là en ce moment, hein, parce qu'effectivement tu peux pas, oui, on fait le rapport avec la révolution, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là il s'agit de perdants. C'est l'héritage familial de la famille Le Pen. C'est pas comme si on parlait du roi de France à l'époque de la monarchie. Non, c'est une famille de perdants, de père en fils, qui essayent d'accéder au pouvoir, enfin, soi-disant en tout cas, qui prétendent vouloir accéder au pouvoir depuis des années, qui n'y arrivent pas et qui nous représentent. Alors, systématiquement, la même famille nous ressort un nouveau candidat. À un moment, au bout d'un certain nombre d'échecs, on passe à autre chose. C'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans... c'est pas de l'acharnement, c'est pas du fanatisme révolutionnaire coupeur de tête. Non, c'est simplement de dire... On a une équipe qui perd systématiquement, on change d'équipe. Voilà. Sans regarder les conditions de la défaite, hein. sans regarder à quoi on a affaire, comment ça se passe dans les autres pays, quel est le jeu. Les conditions, on les connaît. Et pour un parti nationaliste clairement anti-immigration, je rappelle que le mot immigration n'a pas été prononcé lors du débat avec Marine Le Pen, pour un parti anti-immigration, les conditions ne sont pas du tout défavorable en France. Les circonstances sont particulièrement favorables. On a des attentats dans tous les sens. Il y a des raisons sans fin de vouloir l'arrêt, la réduction ou l'arrêt de l'immigration complet. Et dans ces circonstances-là, un parti prétendument nationaliste n'arrive pas à réellement avancer. Bon, je suis désolé, c'est un constat d'échec. Échec. C'est autre chose. Il faut rappeler, hein, excusez-moi Astérix, il faut rappeler que Marine Le Pen est tout juste passée au second tour des élections présidentielles avec trois jours avant un boucac qui tire sur des policiers aux Champs-Élysées. Le niveau du Front National qui soit merveilleux, bon. Alors, moi, je vous dirais quand même de ne pas oublier l'état de vos contemporains. C'est-à-dire que le lendemain des attentats de leurs caricaturistes préférés, des ignobles gauchiasses de merde, ils étaient tous en train de défiler avec « Je suis Charlie ». Donc, vous avez vos contemporains, c'est Charlie. Donc, que ces gens-là n'aient pas vos idées, c'est plutôt logique, plutôt bon signe. Que ces gens-là ne votent pas Marine Le Pen, on s'y attendait. L'ingénierie sociale, ça existe. La manipulation, ouais, là, non, ça existe. Non. Bernays, tout ça, c'est pas des burnes. Marine Le Pen, elle a foiré une seule chose, elle a foiré son débat. On est tous d'accord, tout le monde le sait, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'elle aurait pu, peut-être avec une campagne impeccable, atteindre les 40%. De toute façon, elle serait reléguée. Mais le fait est que, de toute façon, la famille Le Pen, on sait ce qu'on a. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura. Moi je sais que là les performances qu'ils font sur le plan médiatique, quand ils sont face aux médias, ils sont généralement plus forts que les autres. Le Pen à son époque était plus fort que la plupart de ses collaborateurs, Marine Le Pen était plus forte que la grande majorité de ses collaborateurs, et Marion Maréchal Le Pen, qui est toute jeune, arrive comme une véritable bombe. Il n'y a aucune subjectivité, ou que je ne suis pas en train de penser avec mon chiffre. Là, c'est vraiment juger le jeu actuel démocratique de merde tel qu'il est. Marine Le Pen arrive comme une bombe. Bon, je vais rentrer un peu dans le fond. D'abord, elle n'arrive pas comme une bombe. Il y a quelqu'un qui avait fait remarquer intelligemment, tu mets le physique d'Emmanuel Cos à Marion Maréchal Le Pen, ça n'existe plus. La bulle se dégonfle. On fait de la politique. On n'est pas dans le mannequinat, on n'est pas dans le concours de Miss. Marion Maréchal Le Pen, 90% du truc, c'est le physique. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que les gens ne se conditionnent pas sur le physique, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de revue porno, sinon, ils ne mettraient pas des belles gonzesses à côté des bagnoles pour en vendre, etc. C'est évident. Mais on fait de la politique. On ne vend pas un paquet de lessives. En tout cas, je crois que c'est pas ce qui nous motive. Alors, on a Marion Maréchal Le Pen qui, comme les autres l'ont dit, en fait, est aussi à sa façon l'héritière d'une dynastie. Et on pose la question. Bon, moi, je veux dire, j'aurais pas de problème avec Marion Maréchal Le Pen. Bon, je n'ai pas de problème personnel avec elle. Je ne la connais pas. J'ai pas de raison d'avoir de l'antipathie. Mais je pose la question en termes politiques. Et je me dis, bon. Quelle est la valeur ajoutée ? En termes de discours, je vois qu'il y a des droitistes qui sont un petit peu séduits. Bon, ils n'ont pas fini d'être séduits. Marion Maréchal Le Pen, dans son testament politique, alors ça me fait rigoler, parce que dans son testament politique, elle explique précisément qu'elle ne quitte pas la politique. Donc, je me dis, c'est un peu curieux pour un testament. Testament, c'est avant de mourir. Visiblement, elle n'a pas l'air prête à mourir, surtout à 27 ans. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit... elle nous dit, oh là là, j'ai beaucoup aimé les méthodes de Sarkozy. D'accord, bon, pourquoi pas les méthodes, imaginons les méthodes. Quelqu'un qui aurait du mérite et qui suscite son attention, c'est quelqu'un comme Wauquiez. Un second couteau de Sarkozy. Wauquiez, je veux dire. Ah bon, c'est intéressant. Pas un discours clair sur l'immigration, en valeur actuelle. Pas un discours clair, c'est-à-dire pas de dire, voilà, nous sommes submergés par l'immigration africaine, voilà, un truc clair, je veux dire, qui mettent le sujet au centre des débats. On nous parle d'identité, on nous dit c'est l'identitaire. L'identitaire, c'est une escroquerie. Il faut que les gens le comprennent. Quand vous voyez la bourgeoisie agiter le gris-gris identitaire, c'est pas pour défendre les Blancs. C'est pour enculer l'électorat populaire pour qu'il se rallie à la vieille bourgeoisie faisandée qui n'a pas de réserve de voix. C'est le négatif de la politique sociétale de la gauche, avec les PD et tout ce qui s'ensuit, et même dans une certaine façon l'antiracisme. L'identitaire, utilisé par des gens comme ça, c'est le pendant de l'antiracisme. Quand vous avez SOS Racisme, alors eux ils font plus crédit, mais vous en faites pas, ils ont généré 40 rejetons SOS Racisme. Ils ont, alors dans la version la plus radicale c'est le pire, mais à côté de ça ils ont tout ce qui s'ensuit, je veux dire, ils ont les associations des Turcs, des milliers de montants, et j'en passe, c'est des meilleurs. Je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut à gauche. Et à droite, les mecs se disent, comment on peut faire pour radiner du monde? Et voilà, on va faire l'identitaire. Mais c'est quoi l'identitaire? Pour moi, l'identitaire, ça s'appuie sur des trucs très concrets. Ça veut dire, les boukaks, ça gicle. Les nègres, les crouilles, ça dégage. L'islam, ça repart. Les mosquées, c'est fini. Ça, pour moi, c'est clair. Ça, c'est un discours clair. Quand on est en train d'enculer les mouches autour de l'identité, et comme quoi les clochers, c'est très joli, ok, il n'y a personne qui va dans une église en France. Pratiquement personne. C'est pas que ça me fait plaisir, mais c'est la réalité. Donc on peut broder comme ça pendant 1000 ans en citant Bardèche et Maurras, oui, pourquoi pas? Sauf que ces auteurs ont disparu depuis pratiquement un siècle, ou un peu moins. En 2017, on n'en est pas là, je veux dire. Donc il faut être un peu dans les réalités concrètes. Or, qu'est-ce que je le dis? Sous sa plume, ou supposée plume, je vois que les sujets ne sont pas abordés de front, précisément parce qu'on fait de l'électoral. Wauquiez est gentil. C'est sympa, Wauquiez, c'est sympa. Wauquiez est une tanche, une énième tanche qui gère une région à la con pour le profit de son parti de macro. On n'en est pas là, je veux dire. On est en train d'essayer de sauver une majorité blanche en France et en Europe de l'Ouest. On en est là, parce qu'on en est dans des extrémités inédites quand même. Et on a des gens qui nous parlent comment sécuriser une majorité parce que tu comprends. Non, je comprends pas. J'ai pas de raison de comprendre. Et Marion Maréchal nous fait un exercice de mauvais étudiant de troisième année. Honnêtement. D'histoire. Je sais, j'ai fait des études d'histoire, et j'ai commis des copies, et j'ai vu des copies de camarades. C'est ça, c'est-à-dire que je te fais une citation, je t'en mets une autre, je fais du name dropping, c'était pas au niveau. Et ça ne pouvait pas être au niveau. Ça ne pouvait pas être au niveau. Et les auteurs, alors il y a quelqu'un qui m'a répondu, oui mais il y a quand même du Junger. Bon, c'est un peu ironique, mais elle allait pas citer Adolf Hitler déjà pour commencer, et puis citer du Junger quand tu es une jeune fille de 27 ans, voilà, moi je veux bien, mais Junger, c'est quelqu'un qui est passé par les tranchées en 1918 dans les troupes de choc allemandes. Donc citer du Junger, moi je peux me mettre à citer du De Grelle pour le plaisir aussi, si vous voulez, mais ça ne transcrit pas un vécu, ni une aspiration. Donc je n'ai pas de haine physique pour Marion Maréchal Le Pen, du tout. Ce n'est pas la question. C'est une question politique. Et politiquement, j'entrevois l'escroquerie. Comme je l'entrevois exactement avec Marine Le Pen en 2011. D'autres l'ont vu, l'ont annoncé, personne n'a écouté, on a dit c'est une bulle, etc. Sauf qu'au moins avec Marine Le Pen, il y a un petit peu un côté séditieux qui m'intéresse, en ce sens qu'elle a joué contre l'euro. Et c'était pas facile, politiquement. Je veux dire, ça n'ouvrait pas des voies, ça enfermait. Quand on dit, quand j'écoute Marion Maréchal Le Pen faire de l'identitaire, comme elle le dit, dire oui, il faut parler à l'électorat conservateur bourgeois, oui, en gros, oui, remettre les clés du système, encore une fois, entre les mains de la dite bourgeoisie de droite, qui n'a que des intérêts communs avec la bourgeoisie de gauche, puisqu'elle vit dans les mêmes endroits et fait le pognon de la même façon, il faut quand même le rappeler, non. Alors, c'est pas pour être obtus, c'est pas pour être idéaliste, mais faut être, d'une certaine façon, pragmatique, mais pragmatique dans le bon sens, dans un sens révolutionnaire. Pas dans un sens de tapinage pour les mêmes faisants encore. C'est ça que moi je veux dire. Et elle donne tous les signaux comme candidate de celle qui va rabattre. Et moi je dis niette. Et j'ai vu l'interview de Valeur Actuelle, donc son testament politique qui va durer quelques années, quoi, 2 ans, 3 ans maximum. Je veux dire, bon. Comme je dis, c'est pas elle en tant que personne que je ne connais pas et qui est peut-être quelqu'un à titre individuel, qui est quelqu'un de très bien, peut-être, j'en sais rien. Je veux dire. Mais c'est quelqu'un qui pose devant la fenêtre avec une rose. Alors, la tante a la rose bleue, maintenant on va voir la nièce avec la rose rose. Moi, je dis, j'arrête les frais, vous voyez. C'est bon, voilà, on a eu Jean-Marie Le Pen qui nous refait encore ses conneries à Hénin Beaumont, évidemment, pour Fifi. On a eu la tante qui nous a fait que des conneries. Moi, ça va. Moi, j'arrête les frais, là. Après, quand on est au casino, il y a des gens, ils vont jusqu'au bout. Hein. Ils s'en foutent. Ils ont perdu tellement de pognon qu'ils disent, de toute façon, quitte à perdre, autant perdre une bonne fois. Bon, chacun voit. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, bien sûr, la parole est ouverte. Bah ouais, elle est quand même belle, quoi. Hein. Alors, Jeanne d'Arc, voilà. Si, moi, je voulais dire, bon, c'est vrai que Marion Maréchal, elle est jolie, mais... C'est un peu louche quand même. Pardon aux auditeurs, je devais le faire. Non, mais, non, mais... Bon, moi, j'ai, à titre perso, j'ai vraiment rien contre elle. Hein. Elle m'est sympathique de prime abord. Mais je pense vraiment à mon fort intérieur que mettre des femmes en politique, ça ne peut mener cas des convenus des drames Merkel aurait été un homme, ouais. Merkel aurait été un homme, ça ne se serait pas passé comme ça en Allemagne. Mais là d'un coup Merkel ça y arrive au bout ça fait 10 ans qu'elle est là, d'un coup allez hop, 1,5 million de voilà de métèques comme ça, je sais pas pourquoi ça. C'est le genre de truc auquel il faut s'attendre quand tu mets des femmes en politique, voilà. Effectivement. Et la décision de Merkel, il faut comprendre un truc, la décision de Merkel a été prise en une matinée. Hein. Sous la pression, en une matinée. Et un homme n'aurait pas fait ça. Un homme aurait convoqué son ministre, son gouvernement, il aurait demandé à des spécialistes, il aurait analysé, il aurait dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Alors les mecs auraient dit « attention, il y a des gros problèmes, ça vient de tel endroit, il y a des graves soucis, etc. » Le mec aurait dit « allez, bon, c'est quand même des démocrates, on en prend 200 000, vous faites vachement attention à ce qui arrive, etc., vous screenez, etc., et ça s'arrête à ça, et on fait une annonce, on donne du cash, etc. » Merkel, elle a dit, on accueille tout le monde. Ça, c'est une bonne femme qui fait un truc comme ça. C'est une bonne femme qui fait ça, quand elle laisse ses ovaires s'exprimer. C'est comme ça, et je veux dire, combien de fois faudra-t-il qu'on commette des erreurs mortelles avant qu'on comprenne quelque chose ? Je veux dire, à un moment donné... On ne peut pas blâmer les autres. Ça, c'est typique, je veux dire. Là, on a un exemple concret, et il y a combien de gogos qui veulent rempiler, quoi. C'est vraiment incroyable. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, ou bien on enchaîne sur le sujet suivant ? Vas-y, enchaîne. J'enchaîne. Ah, le sujet numéro 2 qui va nous occuper, c'est le... l'histoire de la Chapelle, le quartier de la Chapelle à Paris, qui est soi-disant interdit aux femmes, Vous l'avez vu ça, qui a, bah, je pense que vous avez été exposé à la polémique, quelqu'un. Très rapidement. Vas-y, très rapidement, toi, t'en as pas su plus, non? Ouais, j'ai juste vu qu'il y avait une Zorabita au milieu, apparemment. Oui, une bougnoula encore, je sais même plus qui c'est cette poule. Je sais pas si c'est bougne ou c'est biton, hein, c'est... Voilà. Bah c'est pas gaulois en tout cas, ça c'est sûr. Hein. C'est pas gaulois, c'est sûr, mais ça sent quand même très fortement l'huile. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, ultra-cuite. Ouais, alors, donc il y a une énorme polémique, etc., comme quoi, à la chapelle, en fait, il y a trop de bougnoules au mètre carré. Enfin, non, enfin, ça c'est moi qui conclue, mais... Bon, les femmes ne peuvent plus circuler librement, et comment dire, ça devient un problème de plus en plus difficile, etc. Les médias s'y intéressent, les réseaux sociaux s'y intéressent, et du coup ça devient un petit peu une nouvelle polémique, mais qui n'est pas traitée dans les bons termes. Ça, je l'ai évidemment observé, tout le monde l'aura observé, c'est-à-dire que c'est pas traité en ces termes. On parle pas de... Il y avait un article du Monde, par exemple, il y a un article du Monde qui parle de ça, enfin qui essaye d'élargir un peu le débat. Et alors ils disent, oui, il y a des rondes exploratoires, littéralement, je vous raconte pas de conneries, il y a un article du Monde qui s'appelle comme ça, des rondes exploratoires pour remettre les femmes dans la vie publique. Alors tu te dis, mais attends, remettre les femmes dans la vie publique, de quoi s'agit-il ? Dans l'article du Monde, qui est une planche, hein, ça fait je sais pas combien de... Il n'y a pas une seule fois le mot islam, pas une seule fois le mot immigration, immigré, pas une seule fois le mot musulman, évidemment pas une seule fois le mot, criminel, délinquant, avec son background ethnique, etc. Ça n'existe pas. Donc tu lis le truc, tu te dis, tiens c'est marrant, il y a des quartiers en France où les femmes ne peuvent pas circuler. Mais tu sais pas pourquoi. Et alors ils donnent la parole aux femmes, alors oui, machin, qu'est-ce que... Oui, alors nous avons fait des rondes pour remettre au cœur du truc, le machin. Alors, et curieusement, les noms des nénettes, en partie, sont des bougnoules, c'est des beurettes, quoi. Et là tu dis, je comprends pas, on veut remettre des bougnoules dans la vie publique, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Et tu lis le truc, c'est un modèle de désinformation. C'est un modèle de désinformation. Alors j'ai lu évidemment les réactions sous l'article du Monde, donc qui, comme je l'ai dit, rebondit sur cette question de la chapelle, hein, de l'absence de femmes rue de la chapelle, qui se font insulter, etc., par les halogènes qui sont présents. Alors je lis des réactions, alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui réagissent comme moi. Ils disent « Oh, fabuleux, vous réussissez à cacher les mots qui fâchent, etc. » Puis il y a une espèce d'antiraciste complètement hystérique qui réagit, il s'appelle Wolf Blitz, ou Blitz Wolf, il portait très mal son nom d'ailleurs, il faisait pas honneur à la langue allemande. C'est pas Blitzkrieg, hein. Voilà, c'est bien dommage, mais il réagissait en disant mais pourquoi, quelles sont vos références ethniques, de quoi parlez-vous, etc. Moi j'avais envie de lui dire, visiblement ça se passe pas en Auvergne, hein, dans les champs de l'Auvergne, donc évidemment il y a des récurrences, quoi. Et le mec disait, si t'as pas de statistiques ethniques, tu peux pas t'exprimer. Bah évidemment, en France elles sont interdites, donc ça sera encore plus compliqué. Donc assez extraordinaire. En fait, le mot central n'est pas prononcé, c'est le mot islam, le mot arabe, le mot maghreb, le mot... le mot nègre, rien n'est prononcé. Et tout est parti sur le même ton. Et puis en fait, il y a des femmes qui ont commencé à vouloir un petit peu parler, parce qu'il y a des femmes qui habitaient dans le quartier, en fait. Qui ont voulu dire ce qu'elles avaient vécu. Alors là, je vous livre le contenu d'une nénette qui a fait polémique sur Internet, qui est une gauchiste, une bobo, donc c'est une bourgeoise de gauche établie dans le quartier de la Chapelle. Mais en fait, elle a vu la polémique et elle a tenu à s'exprimer sur Twitter. Alors je vous lis ce qu'elle a écrit. Alors attendez, voilà. Alors, elle décrit un peu la situation. Donc, il y a des mecs qui profitent des migrants, des vendeurs de cigarettes, des vendeurs de tout et de n'importe quoi qui se sont retrouvés sur un espace de 50 mètres carrés d'un coup, dans des proportions complètement dingues et qui n'existaient pas avant. Personnellement, j'ai habité 3 ans à 100 mètres du métro sur la rue Max Dormois. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus faire chemin sans me faire aborder 5 fois. En robe, jupe ou short, c'était bien pire, mais la question ne se posait même plus puisqu'il n'était même plus question de tous ces habits. Mais putain, je l'aimais au début, ce quartier. J'aimais que ce soit populaire. Populaire, notez bien le mot, il y a quelqu'un qui nous a fait observer ça d'ailleurs. Populaire. J'aimais que ça soit divers. Ça devait satisfaire la connasse de gauche que je suis. Mais là, c'était arrivé à un point où ça n'était plus possible. Ne plus pouvoir s'habiller comme je voulais, sortir à l'heure de mon choix, sans penser au type de la rue, et arriver chez moi en colère ou en pleurs juste parce que j'habitais cette rue, ce n'était plus possible. Et je crois que c'était exactement ce pourquoi vous vous battez. Sauf que j'ai l'impression que quand vous avez vu quartier populaire, migrants, étrangers, droite, ça vous a complètement fait vriller. Alors c'est devenu un sevrant bis, un cologne bis, sous-entendu quelque chose monté de toutes pièces. Et putain, ça me casse le cul de vous voir sous-entendre que ce que j'ai vécu n'a pas existé, ou que ce que je dois être, ou que je dois être raciste, et que c'est pour ça que je m'excite. Non. Alors écrit en majuscule, hein. Non. Alors que des connards de droite ou d'extrême droite reprennent l'histoire en mode « je vous l'avais bien dit » ou « virez-moi toutes ces hordes d'immigrés » parce que c'est passé dans Le Parisien et que ça a beaucoup fait parler, ça fait chier. Mais ça n'est pas pour ça que vous devez sous-entendre que tout ça n'est qu'un tissu de mensonge. Alors en fait, cette fille réagissait aux pro-migrants, aux orgas pro-migrants, aux gauchistes de toute nature, payés par la mairie de Paris, en fait, qui pullulent dans toute la ville, quoi, et en fait, qui sont montés au créneau une fois que la histoire a commencé à mousser, en fait. Et quand il y a eu la nénette qui a commencé à témoigner sur son histoire à elle, en disant, en gros, j'étais une bonne, elle l'a dit elle-même, hein, une connasse de gauche, donc une bonne grosse connasse de gauche, bien naïve, qui va poser son cul dans un quartier, populaire, comme elles disent, donc un quartier ethnique, hein, populaire, c'est ça que ça veut dire en langage des gauchistes, hein, un quartier à nègre à Bougnoul, pour pas parler de toutes les nationalités. En fait, quand elle a posé ses valises là-dedans, bon, le truc a muté très rapidement. Elle a voulu en faire part à la faveur de cette polémique, et tous les mecs lui sont tombés dessus en la traitant de raciste, etc. C'est pour ça qu'elle dit, dès que vous avez vu le mot immigré, etc., vous avez commencé à péter un câble. Et donc elle a essayé de se défendre, et sur Twitter, en fait, elle s'est fait lyncher à la fois par la gauche et par la droite. C'est assez rigolo, quoi. Alors, qui veut réagir juste là-dessus? J'enchaîne, hein, y a d'autres, on va parler, mais qui veut réagir sur cette expérience en live? Ben, c'est ce qu'on appelle la justice karmique. Je crois que c'est notre ami Poporo qui nous disait que le gauchisme confronté à la réalité, ça tient pas 10 minutes. Effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, bien sûr, ouais. Mais la fille, elle était... Non, mais il y a combien de ces bourgeoises de gauche vous savez, sur Internet, elles sont là, elles sont huileuses, c'est des éponges à émotions, elles dégoulinent, c'est de la pornographie émotionnelle, vous voyez. C'est ce besoin de manifester ses émotions en toutes circonstances, vous voyez. C'est des gens qui sont déréglés, quoi. Et moralement, je dirais pas supérieur, mais pour assumer en fait leurs prétentions morales, à tout le moins, parfois elles vont jusqu'à mettre en pratique leur idée débile. Et là, tout d'un coup, ça devient ultra violent parce que la réalité n'est pas conforme à leurs émotions, bien évidemment, quoi. Surtout avec En fait, c'est récurrent, si tu veux. Ça fait déjà quand même plusieurs années que ça dure, voire peut-être même plusieurs décennies. Mais les gauchistes du type Mademoiselle ou autre n'admettent pas que les hordes d'extra-européens soient, plus patriarcaux que les blancs. Tout ça ne peut être que de la faute des blancs. Elles n'arrivent pas à admettre qu'elles aient tort et que l'homme blanc puisse les protéger, en fait. Donc, elles sont dans une contradiction qui est insoluble pour elles, parce que, effectivement, comme tu l'as très bien dit, elles ne réagissent pas rationnellement. Elles ne réagissent qu'avec leurs émotions. J'avais vu une vidéo atroce il n'y a pas très longtemps où je crois que c'était une émission, mais vraiment ignoble. C'est un copain qui m'avait envoyé ça. Parlons peu, parlons cul. C'est le nom de la vidéo où tu as des mégères, des trentenaires parisiennes, qui disaient qu'en fait c'était ignoble, cet harcèlement permanent, et elles avaient mis en scène un harceleur qu'elles avaient appelé Jean quelque chose, quoi, tu vois, un prénom bien français. Donc elles n'osent pas l'admettre que ce sont les bougnoules et les nègres et tous ces métèques qui les font chier en permanence. Elles ne veulent pas l'admettre, c'est pas possible. Elles sont vraiment dans une incapacité, et c'est pour ça que les femmes en politique, c'est pas possible. Bah en fait, elles ne sont pas capables de se protéger elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut dire le truc, c'est-à-dire qu'en fait, ces femmes-là, leur ennemi numéro un, c'est l'homme blanc. C'est pas l'homme maghrébin, c'est pourquoi ? Parce qu'elles savent très bien que le mâle dominant socialement, c'est l'homme blanc. Et qu'il s'agit de lui couper les jarrets pour se faire du beurre. Donc elles le savent. Donc c'est pour ça qu'elles n'osent pas dire la réalité. Parce qu'en fait, à la fois, leur propre parasitisme de femmes émancipées qu'elles veulent réaliser au détriment des hommes blancs, et ensuite leur lecture marxiste débile ou en tout cas gauchiste qui prêterait en fait aux classes inférieures une vertu morale, c'est de l'escroquerie. C'est-à-dire qu'en fait quand t'es une bonne femme blanche émancipée soi-disant, tu te rends compte en fait que les hommes blancs sont carrés, qui peuvent t'offrir une sécurité, etc. Bref, qui remplissent leurs fonctions. Et quand tu vas dans ton quartier populaire de merde, tu sors ton appart, tu sors ta cage d'escalier, t'arrives sur la rue, tout d'un coup t'as des espèces de gros nègres, des bicots dégueulasses, ultra agressifs, qui disent « Ouais, putain, t'es bonne, vas-y, on va discuter là !» Tu vois, c'est ça le truc. Et là, ça colle plus, quoi. Et ces grosses bourgeoises, elles ont besoin de se prendre ça dans la gueule, mais 1000 fois par jour, en réalité. Elles ont besoin de se faire rééduquer par ça. Moi, c'est ce que je pense. C'est des bonnes femmes qui sont gâtées, pourries, gâtées. Et qui se permettent de faire des caprices. C'est ça, en fait. Et ensuite, elles pourront aller se jeter dans les... Encore que je crois même pas, parce qu'elles se jetteraient dans les bras d'un blanc, ça serait pour abuser de lui et ensuite lui cracher à la gueule par frustration pour s'être pris une grosse claque dans la gueule avec le réel. C'est ce que je crois, en plus. Donc, ouais, toi, non, mais tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, il ne faut absolument pas sous-estimer quelque chose. Elle chercherait le pourvoyeur, c'est ça. Ouais, il faut pas sous-estimer quelque chose, c'est que les femmes, en règle générale, ne se mettent pas du côté du plus juste et du plus gentil. Hein, c'est certain. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elles se mettent ni du côté du plus romantique, elles se mettent toujours du côté du plus violent. Du côté où elles mangent. Exactement. Avec les Arabes, elles mangent, mais elles mangent pas pareil, quoi. Mais c'est... D'ailleurs, il y a... Alors... Non, mais elle a ça de commun avec le nègre. Moi, j'ai... C'est pour ça que, bon, dès que tu mets de la femme, tu as de la corruption. Hein. Comment dire, le fonctionnement, si tu veux, des Africains, c'est la phrase suivante, c'est « je mange, tu manges ». C'est comme ça. Et la femme, c'est pareil. Tu manges. Et d'ailleurs, c'est quand même assez marrant de voir dire certaines nationalistes femmes se plaindre des nationalistes européens. Alors, il faut quand même... Je veux dire, admettre que l'homme européen a quand même bouffé, il s'en est pris plein la gueule depuis des années et des années. Il y a quand même des années qu'il passe pour un con dévirilisé à la télévision dans toutes les pubs. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il devienne tendre envers les femmes, hein, et qu'il joue le chevalier blanc, alors certains le font, et qu'il soit prêt à protéger la femelle blanche, à la défendre contre vents et marées. Dire la femelle blanche a sa part de responsabilité si on la considère comme une adulte majeure et responsable. Bon, après ça c'est un autre débat, mais voilà. Ouais, mais même sans ça, quoi, on n'est pas agressif forcément, on a juste constaté que mettre des femmes en politique, ça n'engendrait que du chaos, c'est tout. Alors Anne Hidalgo s'est décidée à agir, donc elle va envoyer des associations pour lutter contre les... Non mais je te garantis que c'est vrai. En fait, Philippe Muret est une petite bite. Hein. C'est-à-dire que les trucs complètement délirants qu'il a écrits là, sont très loin de la réalité. Donc, Anne Hidalgo se décide à envoyer une association pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Non, mais c'est une blague. Ouais, c'est une blague. Non, mais c'est véridique. Ah non, avec Anne Hidalgo, c'est jamais une blague. Ouais, c'est... Déjà, elle a une gueule de vache espagnole, au sens vraiment strict, quoi. Elle a vraiment une gueule de... Écoute, je trouve qu'elle a quand même une gueule de marocaine. Alors après, est-ce que... espagnol, il y a quelque chose à voir, je sais pas. L'Espagne et le Maroc, c'est proche, hein. Bon, en Andalousie, en tout cas, c'est très très proche, effectivement. Mais non, mais la vache espagnole avec ses narines plus longues, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Alors, il y a un Parisien qui m'a écrit ça, il m'a dit sous Hidalgo, c'est encore pire qu'avant, c'est vraiment la religion du migrant, ils en foutent partout. Alors, il disait, je crois que c'est pas loin de ce quartier-là d'ailleurs. Je suis pas sûr à 100%, mais. il disait, mais t'y crois pas, c'est des Roms qui déambulent dans la rue, c'est des nègres, c'est de tout. Tout ce que tu peux imaginer, des Pakistanais, il m'a dit, c'est invraisemblable. Il me dit, il vivait, je crois, dans le quartier depuis des décennies. Il m'a dit, bon, évidemment, il y a 20 ans, il y avait déjà, évidemment, de l'immigration. Mais là, c'est apocalyptique. C'est le tiers-monde. C'est Paris devient le tiers-monde. Littéralement, quoi. Alors, peut-être pas partout, hein. Mais il m'a dit, mais même dans les quartiers blancs, propres, dans le 15e, on voit des romanos, des gitans, des trucs dégueulasses qui déambulent. Il m'a dit, même dans ces quartiers-là, ça y est, c'est bon. Alors, bon, pour ceux qui sont familiers de Paris, ils confirmeront ou ils infirmeront, je ne sais pas, mais la machine est lancée. Alors, Hidalgo est dans sa religion du migrant. En fait, on alterne entre les Jeux Olympiques 2024 et les migrants. Et c'est vraiment une caricature de bourgeoisie gauchiste axée sur même pas le post-national ou le... Non, là, c'est littéralement vraiment le nomadisme le plus laid, quoi. Terrifiant. D'ailleurs, puisque tu parles des Jeux Olympiques, là, il faut s'attendre au pire, quoi. C'est-à-dire qu'avec la ministre noire, Laura Flessel... Elle a commencé, t'as vu dans quoi? Oui, non, mais... Première visite, est-ce que t'as vu dans quoi? Première visite qu'elle a fait? Non, j'ai pas fait attention. Un centre de rééducation, d'intégration, un centre d'intégration des transsexuels par le sport. Ouais. Ah oui, c'est... Putain. Je m'attendais pas à ça, hein. Première visite. Oui, du transsexuel à du sport, ouais. Si, première visite. C'est documenté, vous faites Google, Laura Flessel. Visite transsexuelle, homosexuelle, et ben voilà. Je prends les paris, hein, mais là, pour le coup, là, les paris 2024, c'est. Allez, c'est bon, quoi. Hein, ça, ouais, alors, passer, hein. Je sais pas si. Et ça va être horrible. Hein. Je sais pas si vous voyez qui est Caroline de Haas. De Haas, oui. On va l'écouter, on se retrouve juste après. C'est parti. Plusieurs associations de femmes réclament des mesures et un réaménagement de l'espace public. Dans tous les quartiers où il y a un problème d'espace, où il y a une concentration de personnes qui restent à la même place toute la journée, il y a des violences à l'encontre des femmes. On pourrait élargir les trottoirs pour qu'il y ait plus de place et qu'il n'y ait pas de cohue dans ces endroits-là. On pourrait aussi mettre de l'éclairage pour faire en sorte que quand on circule dans la rue, il n'y ait pas de coin sombre. Lundi, le collectif de lutte contre le harcèlement de rue du quartier La Chapelle sera reçu par le gouvernement. Bon, du trapu, hein. Alors Caroline de Haas, féministe, qui nous explique donc que finalement, quelque part, on peut résoudre la question raciale avec un peu plus d'éclairage et de trottoir. Frédéric, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah moi je pense que effectivement. Alors c'est que, comment elle s'appelle, Caroline de... De Haas, dans ton cul, quoi. Voilà, Agendas. Mais elle a vraiment une sale tronche. Et, lesbienne. Ah oui, non, mais c'est absolument atroce. Et je ne sais pas si, effectivement, l'éclairage de nègre va contribuer à la sécurité des passantes. Hein. C'est-à-dire que le nègre, dans la nuit, bon, c'est vrai qu'on le... On le voit pas. On le voit pas bien, par moments, on a du mal à le distinguer. Bon, voilà, il peut s'approcher, etc. Mais bon, même avec de l'éclairage supplémentaire, je ne suis pas sûr que ça résolve le problème. C'est-à-dire que le nègre est toujours là... Il est toujours nègre. Il a toujours faim, il est toujours cannibale, voilà. Hein. On en revient un petit peu au même problème. Alors là, malheureusement, nos auditeurs n'ont pas l'image, hein, parce que c'est l'audio qui est passé, c'est une petite vidéo, hein, n'est-ce pas? Et à la fin de la prise de parole de cette horrible Caroline de Haas, on voit une blanche passe, mais parmi une grappe de nègres, quoi. C'est sur un trottoir à Paris, mais t'as des nègres, ils sont là, inertes. En grappe. Ouais, non, mais on dirait des gargouilles, quoi. C'est-à-dire des statues, ils sont inertes, ils bougent pas. Ils attendent, je sais pas, un signal collectif hein, de la reine mère, comme les fourmis, je ne sais rien, je ne sais pas comment ça marche ces bestiaux-là, pour attaquer et pour se nourrir. Il y a quelque chose de ce genre, hein, selon moi. Bah oui, mais c'est beau le féminisme, mais c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tous ces salauds. C'est l'hypocrisie même de toute cette religion démocratique et dans toutes ces variétés, notamment féministes, c'est qu'évidemment ça proclame de grandes idées, de grands idéaux, et puis en fait après il y a la réalité. Alors la réalité est toujours très désagréable, les gauchistes sont toujours très gênés avec la réalité, parce qu'évidemment la réalité ne s'adapte pas à leur propre folie, quoi. Et donc, bon, il faut tordre le clou, hein. Il faut le faire rentrer, mais il faut le tordre en même temps. Et donc, bah, là, on a un exemple concret. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas bouger les nègres. Parce que de toute façon, les nègres vont pas bouger. On va pas bouger les musulmans, parce que de toute façon, ils vont pas bouger. Si tu essayes de les bouger, il y aura une émeute. Donc en fait, notre féministe de Haas, qui est antiraciste, en fait, a dit, en fait, on va bouger la rue, en fait. Et on va bouger le trottoir. Tu vois, et les mecs t'expliquent calmement que eux sont des gens rationnels, tu vois, qui ne se laissent pas déborder par la haine, par les émotions, par les préjugés, tu vois. Mais les mecs te proposent littéralement de contourner les nègres, enfin de faire contourner de faire en sorte que la route contourne les nègres, littéralement, je veux dire. Ouais, c'est de la ségrégation raciale féministement correcte. Bah, c'est de l'urbanisme. Mais quand il y aura plus de nègres, c'est-à-dire la route, élargir les trottoirs, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la route, oui. Plus de nègres. Ouais, parce que oui, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que l'élargissement de la route va aller beaucoup moins vite que l'augmentation de la population nègre. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Au bout d'un moment, tu pourras plus rouler qu'en vélo entre les deux trottoirs. Tu pourras plus rouler en bagnole. Et puis plus... Jusqu'au jour, ils vont se mettre à bouffer les boyaux de vélo. Non, mais... Et surtout, on y arrivera, mais... C'est comme le chaos. Tu te rends compte qu'il y a les négros qui bouffent des cailloux, quoi, qui bouffent de l'argile. Donc, non, mais surtout, on arrivera aux nègres qui bouffent du caoutchouc. Et surtout, cette histoire... J'élargis le trottoir, mais imagine. C'est-à-dire qu'en fait, tu te... Les mecs, ils t'insultent, etc. Le son se déplace, tu vois, quand même. Faut quand même expliquer ça à cette connasse féministe. Le son se déplace. C'est-à-dire que si la gonzesse elle passe, elle serait à l'autre bout de la rue, elle entendra quand même les nègres hurler, ululer. Enfin, c'est évident. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. Oh. Par contre, une solution qui est un petit peu dans le même genre, c'est-à-dire, puisque Caroline de Haas en fait veut être progressiste et je comprends l'intention. En transformant en fait l'environnement physique. Bon, c'est mal conçu, mais l'idée est là. Moi, je propose en fait qu'on mette littéralement des grilles derrière lesquelles on met les nègres sur le bord des trottoirs. Tout de suite, ça s'appelle un zoo, c'est ça. C'est plus ergonomique. Ah, vous voyez, ça fait sens quelque part. Ah, là, moi, je propose qu'on fasse effectivement, qu'on mette des grilles et qu'on mette les nègres. Et qu'on mette Jean-Luc, notre dessinateur transsexuel là, du début d'émission, avec. Voilà, ça fera rire les enfants hein, qui verront ces joyeuses créatures se nourrir hein, avec cette viande somme toute avariée qu'aucun humain n'aurait eu, ne serait-ce que l'idée hein, d'entrevoir, de considérer. Bah, alors, écoutez, je me sens en verve et je me sens plein d'imagination. En fait, les grilles, si on mettait de l'électricité dedans, je crois que ce serait pas mal. Ah. Ah. Et vous voyez ? Ouais, mais ça serait... Tu penses que qu'ils ne comprendraient pas que les grilles sont électriques, qu'ils continueraient à se mettre dessus et à crier avec je trouve des... que c'est un peu passéiste, hein. Ça fait un peu Gégène, Algérie, tout ça. Moi, je trouve que ça manque d'ambition, ça fait pas rêver. Moi, ça me fait pas rêver. Ah, moi, je veux des moyens plus modernes. Ah putain, attends, vas-y, ça se fait pas. Je mets des nègres en plein Paris, derrière des grilles électrifiées, ça le fait pas rêver. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, là ? Bon, bah, sur ce... vous propose de nous séparer pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Yeah. Et bah, si vous avez des idées novatrices pour ce fléau quand même hein, de l'invasion des nègres dans la capitale française, bah, proposez hein. Il y a plein de trucs. Je sais qu'il y a des trucs, avec des pigeons. Ils mettent des pics. Ils mettent des pics sur les bords des fenêtres. Alors peut-être des pics sur le bord des rues. Mettre les nègres sur des pics. Écoute, ça mérite réflexion, mais en même temps, si on met des pics sur les bords des routes, de toute façon, ils vont s'asseoir par terre. Donc, on va pas mettre des pics sur les routes non plus. C'est sans fin, en fait. Non, mais en fait, c'est le nègre qu'il faut déplacer, en réalité. Oui, déplacer. Et ouais, si on arrêtait de les faire venir Si on arrêtait tout simplement, quoi. Je croise dans la science pour nous fournir les outils dont nous aurons besoin à l'avenir. Et si l'on renvoyait les nègres chez eux et qu'on leur donnait des féministes en plus? Ah là, je signe. Là, tu vends du rêve. Et voilà. C'est une option qui me tient à cœur, c'est le développement durable. Ouais, enfin, ménopauser quand même les féministes, hein. Ménopausée et ou stérilisée, quoi. Ouais, ah oui, tant que tu veux. Les cheveux bleus auront une décharge. Hein, voilà. De l'humus en prévision, c'est prévu. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Salut. À plus. Il faut que nous soyons puissants. Que nous ayons en Europe, dans une Europe unis, mais unis dans l'honneur, non pas dans la servitude, mais que nous ayons tout ce qui est nécessaire à la vie des Européens. Et alors là, si vraiment les jeunes trouvent leur voie, ils peuvent la trouver, on pourra revivre. Et je dis, on peut la trouver, parce qu'en dehors, il n'y a rien d'autre. Plus personne ne vous offre rien. Toutes les formules ont échoué. Le socialisme a échoué. Le communisme a échoué. Et bien avant eux, déjà, les bourgeois avaient échoué. Le siècle précédent, c'était le siècle de la faillite de la bourgeoisie. Et la faillite non seulement matérielle, mais morale, qui a laissé le peuple abandonné. La révolte du peuple a été juste, nécessaire. On ne pouvait plus supporter cet esclavage social. Maintenant, ils reviennent au pouvoir provisoirement. Parce que tous les autres ont échoué, mais eux aussi échoueront de nouveau. Parce qu'ils emploient une formule qui est fausse. Alors en face de tous ces vieux partis, pourris ou décomposés ou au moins boiteux, il y a là des milliers de jeunes garçons qui ont la même foi dans la vie, qui ont le même idéal, qui ont la même conception de l'État. Eh bien, tout ça peut donner un jour le salut général. C'est ce que j'attends dans ma vieillesse, mes chers camarades. Soyez confiants, soyez forts, vous gagnerez. Et au moment de mourir, je m'en irai.